Donc, frère Michel, on revient donc à toi. C'est toi qui nous as dit que c'est la foi. Oui, c'est toi qui as dit. Non, attends, on arrive. C'est toi qui as dit que ce qu'on voit là, ce qu'on espère là, c'est la parole de Dieu. Parce que si ce n'est pas dit ça, on devait répondre tranquillement, on devait partir, pas vrai. C'est lui qui a dit que la définition de la foi telle que donnée, je voudrais venir vers lui parce qu'il veut poser une question. Dis ça autrement. Il veut revenir sur ce qu'il va dire ça autrement. Il a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. J'ai dit que, ok, comment donc une ferme, tu es fermement sur quelque chose que tu ne vois pas. Mm-hmm. Jusqu'à ce que tu peux démontrer même ce que tu espères. Mm-hmm. Tu dis que c'est la parole de Dieu qui nous dit. Alors je pose la question. Ceux qui n'avaient pas la parole de Dieu telle que nous avons, comment avaient-ils la foi? K1, Moïse. On dit que ce n'est pas la foi qu'il est parti en quittant l'Égypte, il n'a pas eu peur de l'ordre des pharaons. Comment? Puisque d'après ce que tu as dit dans Romains chapitre 10, verset 17, dit la foi vient de ce qu'on entend. On entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que le prophète Moïse a entendu pour quitter Égypte? Puisque la Bible nous dit dans ce même hébreu là que ce n'est pas la foi qu'il est parti, non. Mm-hmm. Il a entendu quoi pour partir? Il a lu quelque chose. Il dit qu'il n'était pas à l'époque là. Mais tu parlais donc quoi? Ok. La Bible déclare pour Caïn, pour Abel, que c'est pas la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus agréable que celui de Caïn. Il a lu quelque part dans un livre. Hein, frère Michel? Tout ce que je sais, c'est que, comme on l'a dit au départ, Dieu a créé l'homme selon sa ressemblance. Oui. Donc, ça veut dire qu'Abel avait la ressemblance de Dieu, c'est pour ça qu'il avait la foi. Si je m'en tiens à ce qui est écrit. Ok, dans ce cas, tu veux me dire deux choses maintenant. On a la foi parce qu'on a, on est créé à sa ressemblance. Non, ne pas avoir la foi parce qu'on est créé à sa ressemblance. Alors, avoir connaissance, hein, connaissance de ce qui est dans l'esprit de Dieu parce qu'on a l'esprit de Dieu. Oui. Je crois que c'est ce que la Bible veut nous faire comprendre par là. Je pose une question simple. Je ne dis pas en fait dire que c'est ça, mais je crois que c'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Ok. Parce qu'ils n'avaient pas la parole comme nous l'avons aujourd'hui. Dans ce cas, la foi dont on parle, donc, c'était en quoi? Comment? Oui, ça c'est donc quoi? Une question. Comment l'avait-il? Comment l'ont-ils fait pour la posséder? On dit pour Rahab, une prostituée. On dit que ce n'est pas la foi que Rahab a reçu les espions. Elle a lu quelque part que recevoir les espions et avoir et la récompense. Hein, frère Michel? Dis-moi donc. C'est de ça que je suis en train de parler. Oui? Je me dis, enfin, moi, je suppose que c'est parce que certainement elle avait l'esprit de Dieu en elle et elle savait les choses de Dieu. L'esprit de Dieu la conduisait à la prostitution. Elle n'était pas juive. Celle qui ne passe pas la prostitution avant de se repentir là. Avant de recevoir, là, se repentir pour recevoir l'esprit de Dieu. Hein, frère Michel? Non, je suis en train de poser des questions. C'est celles qui sont passées par la prostitution. Est-ce qu'elle avait l'esprit de Dieu ou bien elle passe par la prostitution pour après venir se repentir pour avoir l'esprit de Dieu? Ou bien l'Esprit de Dieu était dans la prostitution, après ça a quitté. C'est pas seulement la prostitution. Oui. Ça, c'est un débat, je voudrais que... N'importe quel autre domaine. Oui. Quand Saul persécutait Christ, oui. Il n'avait pas encore l'Esprit de Christ. Non. Est-ce qu'il avait l'Esprit de Christ? Non, je pose la question. Il n'avait pas l'Esprit de Christ. Ça, c'est clair. À moins qu'il y ait deux Esprits de Christ. Un qui entre avant, un qui entre après. C'est là après. Oui. Peut-être que cela aussi, c'est après que l'esprit a pris à nous. La question, dans ce cas, la question subsiste toujours. Comment Rahab la prostituée? Puisque Moïse sort de l'Égypte, Moïse est mort, il reste Josué. C'est Josué qui a la parole que nous allons lire plus tard. Rahab n'a pas les écritures, pas vrai? Comment Rahab a fait pour avoir la foi pour recevoir les esprits? La question que je vous pose. Sont là. Moi, j'ai tu as épuisé tes cartes. Qu'est-ce que c'est? Tes démonstrations. Par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport à moi. Ok, donc restons donc dans la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 dit quoi? Romains chapitre 10, verset 17 dit quoi? Romains chapitre 10, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ok. Peut-être c'est la compréhension de. Bon, la définition de la parole de Dieu. C'est là maintenant qui fait problème. Non, c'est la parole de Dieu. C'est la parole vraiment de Dieu. Mm-hmm. C'est écrit parole de Dieu. Mais voilà, la différence maintenant que vous avez dans votre livre en français, c'est que dans Jean chapitre 1, par exemple, c'est écrit parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Là-bas, c'est écrit logos. La parole qui est écrite dans Romains chapitre 10, verset 17 n'est pas logos. C'est le rhéma. Voilà, c'est ça qui est le problème. C'est cette nuance dont vous avez le problème. Alors, La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'un type de la parole de Dieu. Donc, c'est pour définir ce que c'est que Réma. Il faut que tu aies entendu un type, un style de la parole de Dieu. Ça produit la foi. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai posé la question, combien de personnes ont cette Bible sur la terre? Combien écoutent cette même parole-là au travers des télévisions ou autres? Combien? Des centaines de millions. Combien de pasteurs prêchent cette parole-ci sans qu'eux-mêmes ils ont la foi là-dedans? Combien? Alors, il ne s'agit pas de cette parole-ci que vous avez. Il ne s'agit pas de cela. Parce que s'il était question de cela, c'est là où ça pose un problème au niveau de comment Moïse a fait pour avoir la foi. Comment les autres qui avaient été avant lui ont fait pour avoir la foi. Donc, il ne s'agit pas de cette parole-ci, oui. Justement, quand tu interprètes chez Rémi Lou Bosla, oui. Dans Jean 1,21, là, oui. Il dit que c'est pourquoi, c'est avec douceur. La parole qui a été plantée en nous. La bonne parole, c'est Logos ou Rima. Que ce soit le Logos ou le Rima, le Logos ne peut pas entrer en toi. Je suis d'accord, mais en fait, pour ce verset spécifiquement là, forcément, si il y a, tu as comme tu avais la demande de Logos ou Rima, il faut penser que là, c'est soit Logos ou Rima. Va manger. Alors, il faut faire attention. Quand je vous donne, quand je parle ici, je vous donne seulement les pistes pour que vous commenciez à chercher. Si vous voyez dans un autre verset, essayez de voir ce que ce verset dit, rentrez et puis pour voir ce qu'il en est. Et puis vous saurez de quoi il est question. Parce que la parole qui est plantée ne veut pas être le Logos. D'accord. Voilà. Donc, quand il eut le cœur vraiment touché, puis il lisait un livre, qu'est-ce qu'il parlait? Il dit qu'il a envoyé la parole au Fils de Dieu. Au fils d'Israël, il a envoyé la parole. Sa parole court avec vitesse. La Bible est en train de courir devant toi. Hein? La Bible là que vous avez descendu de courir. Si votre Bible court, n'est-ce pas, vous allez fuir. Il dit qu'il envoie sa parole. Sa parole court avec vitesse. De quoi est-ce qu'il est en train de parler? Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans une version de la parole de Dieu. Alors, ça veut dire qu'il faut que, pour que tu aies cette foi, il faut que tu aies entendu quelque chose. Revenons sur la définition de la foi dont celui-là a donné. C'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Tu espères donc en quoi et comment là, tu sais que ces choses-là est de l'autre côté que tu ne vois pas. C'est ce que tu peux démontrer. Avec tout ce qu'on vient d'essayer d'arranger là maintenant, vous pouvez voir, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un atome pour toucher la question de ce qu'il a passé. C'est profond. Et on va y toucher. On va toucher lorsque vous touchez au niveau des guérisons, des miracles et des visions et des révélations. C'est là où ça va arriver. Parce que comment donc aller vers quelqu'un que tu sais que tu as reçu quelque chose pour la personne? La personne est debout devant toi, tu dis que lève-toi, je vais te parler. Voilà, tu as vu? Que je n'ai ni or ni argent pour toi, mais ce que j'ai te donne au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui en est passé? Quelque chose doit se passer pour qu'il sache cela. Regardez dans ces Actes chapitre 14, verset 8, où l'apôtre Paul prêchant a vu ces paralytiques. La Bible déclare, Paul, fixant les regards sur le paralytique, vit, facile, un verset scandalisant. Vit qu'il avait la foi. Vit, fixant les regards sur lui. Vit qu'il avait la foi pour être guéri. Mais c'est quand même terrible, pas vrai? Il n'a pas dit, tu as la foi. Il n'a pas posé la question que tu as la foi pour être guéri. Si tu as la foi, tout est possible à celui qui croit. Non, c'est Paul qui a vu que celui-là avait la foi. Il a dit, lève-toi sur tes deux pieds. Ah, frère, vous parlez de Réma. Lève-toi sur tes deux pieds. Ou, est-ce que vous voyez? Regardez Pierre chez Dorcas. En fait, sortir tout le monde. Il se couche avec le cadavre là-bas. Il se met à genoux. Après, il se lève. Il dit, t'habites, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe, frère? Il est allé où? Donc, ça peut dire que le monde, c'est la parole. Le rime, c'est la parole dans la parole. Prêtez attention. Attends, tu es en train de dormir. Tu lisais quoi? Et tes yeux n'étaient pas ici. Prêtez attention. La prière, la vraie prière, c'est sortir du sentier de Dieu avec un résultat pour la manifester sur la terre. La vraie prière. La vraie prière. La vraie prière, c'est sortir du sentier de Dieu avec un résultat pour le manifester sur la terre. La vraie prière. Qu'est-ce que nous avons comme prière maintenant? C'est envoyer des nouvelles, envoyer des enveloppes, envoyer des enveloppes. Vous savez, vous écrivez à quelqu'un chaque jour, vous allez mettre dans la poste. La poste, initialement, avait un petit trou. Quand vous mettez votre terme, vous allez dans la pape, ça tombe de l'autre côté. Vous n'êtes pas sûr si oui ou non la personne a reçu le message. Alors, j'ai tenté de dire quelque chose avant que ça m'arrive d'entraîner là-bas. Regardez bien Pierre. Entrant dans cette chambre de Actes chapitre 9, on appelle, on dit que Dorcas est malade. Quoi? Que Dorcas est morte. On l'a lavé, on l'a mis là-bas. Il est venu entrer. Normalement, dans les normes de la normalité, quand quelqu'un meurt, on le prépare pour être enterré. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas que cette personne se dit qu'on la met ici en tant que cadavre? On peut appeler Pierre. C'est un morguier, Pierre. Pierre, c'est un morguier. Quelque chose, c'est cette chose-ci que je vais expliquer au milieu chrétien. Quelque chose s'est passé pour que quelque chose les envoie. Quelque chose s'est passé. Quelque chose. Il dit, mais ce n'est pas normal que quelqu'un meure. On devait plutôt préparer à l'enterrement. On est d'accord? Préparer la procédure pour pouvoir enterrer. Mais ici, on dit, Pierre est à Jopé, non? Allez enterrer, allez appeler Pierre. Lui aussi, il ne dit pas que... Il est mort. Allez enterrer, non? Quelqu'un on doit enterrer. Qu'est-ce qui se passe entre Pierre? Qui dit à cette personne allez appeler Pierre? Je vais vous dire quelque chose. Mais ce n'est pas écrit là, nulle part. Mais vous voyez comment ils appelaient. On dit qu'après là-bas, ils ont mis dans la chambre haute. C'est pas ça? Mettre le corps dans la chambre haute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils mettent le corps dans la chambre haute au lieu de faire des procédures pour pouvoir enterrer? Il y a quelque chose d'anormal là. Il y a quelque chose d'anormal. Cette chose d'anormal que vous pouvez regarder autrement, quelque chose s'est passé. Cette chose d'anormal, c'est quelque chose qui s'est passé. Pour que tous unanimement puissent dire qu'allez envoyer appeler Pierre. Quelque chose d'anormal s'est passé. Pour que quelqu'un ne dise pas que laissons-la enterrer. Tous unanimement savent qu'allez appeler Pierre. Mais pas que toutes les personnes qui étaient mortes ont appelé toujours Pierre. C'est là le vrai problème. Voilà le vrai problème. Tous, unanimement, pour le cas de Dorcas, on fait qu'on amène Pierre. Mais ce n'est pas tous les disciples qui, quand ils mouraient, on appelait quelqu'un qui vient prier pour ressusciter. Il y a quelque chose d'anormal. Et cette chose d'anormal, c'est que quelque chose d'anormal s'est passé. Et cette chose d'anormal-là vient du Saint-Esprit. Quelque chose s'est passé. Alors il vient, il monte dans la chambre haute où le corps était, il se met à genoux. On ne dit pas ce qu'il a envie de dire. On ne dit pas ce qu'il a envie de faire. Il se lève, seulement se tourne vers le corps. Il dit Tabitha. Souvenez-vous, il n'a pas dit au nom de Jésus. Ouvrons ça. Acte chapitre 9. Quelque chose d'anormal se passe. Vous dites, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être guéri. Jean, quand celui-là a rencontré, quand l'apôtre Jean et Pierre allaient dans le temple à 15h là-bas, dans Acte chapitre 3, le paralytique n'était pas, on ne lui a pas prêché la parole. Il traversait, ils l'ont vu comme ça, il regardait. Quand il regardait, il dit Abek, Abek, Abek. Il dit, regarde-nous. Regarde-nous, frère. Regarde-nous. Aujourd'hui, nous avons plutôt les prédications pour essayer de conditionner les gens à croire. On ne peut pas fabriquer la croyance. On ne peut pas fabriquer la croyance. Même si on te dit que crois par la foi. Comme la maman soeur était ici, comme elle était allée quelque part dans une heure, puis on a dit que reçois la clé de ta voiture par la foi. Elle a commencé à dire, on a dit que vois-toi que tu es dans la voiture, tu viens de monter la colline. Elle fait, elle me fait, que par la foi. Par la foi. Par la foi. Ils ont fait son mari à côté que sors de ma voiture. Sors de ma voiture par la foi. Elle fait ça 5 ans. La voiture ne viendra pas. Parce que c'est comme ça. On ne dit pas que par la foi j'arrache pour que ça soit arraché. C'est pour ça que c'est cette chose d'anormal que je vais vous expliquer. Cette chose d'anormal, avant de revenir à sa question. C'est la question du frère Achille, est bien et intéressant. Mais je vais faire un crochet là-dessus pour répondre à sa question. Alors, cette chose d'anormal, vous dites, je ne reçois pas la foi, je ne reçois pas la foi. Bien aimé, crois pas la foi si tu crois. Écoutez, même si tu dis je crois, tu restes ça, tu as les mots de tête. Tu as envie de croire que tu crois. Souvenez-vous de ici. En Jésus, je m'abandonne. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Tant que. Bien aimé, est-ce que tu crois? Ou cette personne? Alors, qu'est-ce qui était dans le cœur de la personne? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de cette chose anormale. Il dit encore, entre guillemets, toujours, vous comprenez ce que ça veut dire, cette chose anormale. Son nom va venir certainement. Certainement, ça va venir. Dans Actes chapitre 9, ma Bible, elle est où? Acte chapitre 9. Donc, on a pris la substitution, donc on a substitué qu'il faut que tu crois. Par conséquent, quand on dit que nuit des campagnes d'évangélisation venait, si je crois, tout est possible, si je crois. Alors, maintenant, quand cet homme-là est devant le temple, quand Pierre et Jean lui disent, regarde-nous, il fixe ça, la Bible dit qu'il fixe ça, espérant, tout ce qu'il avait comme espérance, c'est ce qu'il voit, mon frère. Il faut qu'il entende Pangalang dans les assiettes. La Bible déclare qu'espérant recevoir Dieu quelque chose. Pierre dit que, comme tu comprends comme ça là, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or. Ce que j'ai été donné. Le gars croyait peut-être que c'était le des titres fonciers dans la maison. Pierre dit, lève-toi et marche. Qu'est-ce que c'est encore qu'il y a de lève-toi. Lève-toi et marche. Ça fait 43 ans. Ça fait 40 ans que monsieur va arriver. Écoutez bien. La Bible déclare que on l'a arrêté sa main comme ça, le fil levé. Donc, tu refuses la guérison. On te force que tu dois te sauf si tu es levé là-bas. Vous voyez ça, frère? On n'a pas dit, ok, comme tu ne reçois pas alors, calme alors là-bas. Parce qu'il ne savait pas de quoi il était question. Il dit que non, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être. Tu parles. Dieu, s'il veut guérir, il n'a même pas besoin de. D'abord, quand un mort est couché là, et qu'il est mort, vous avez besoin de sa foi pour qu'il se réveille? Non. Dites-moi, vous avez quelqu'un mort, tu dis que mort, aie la foi, tu seras ressuscité. Vous pouvez dire des choses comme ça? Non. C'est pour vous montrer que la foi, ce n'est pas ce qu'on croit là. Alors vous allez lire la Bible, vous allez voir différents aspects de la foi. Ce que vous avez là, comme Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est la définition fondamentale et élémentaire de la foi. Maintenant, ça a plusieurs ramifications. Ce sont ces ramifications-là que, en posant des questions, vous poussez seulement à voir que quelque chose ne va pas. En posant la question, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend avec la parole de Dieu, ok. Ceux qui étaient avant, comment avaient fait-ils pour avoir la foi? Ils avaient entendu quoi? Et maintenant, celui qui guérit, quand quelqu'un est sourd, comment vous allez faire pour qu'il soit guéri, pour qu'il entende, pour avoir la foi? S'il est sourd, alors comment il fait pour recevoir la guérison? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Hein, mes frères? Actes chapitre 9. Regardez cela. Allons-y rapidement, verset 36 et suivant. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade. Je veux que vous voyez quelque chose. Verset 36 dit, il y avait à Joppé parmi les disciples. Donc cette femme était parmi les disciples. On dit qu'elle tomba malade. Donc une disciple du Seigneur Jésus-Christ qui est tombée malade. Aujourd'hui maintenant, les chrétiens du 21e siècle disent qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Si tu tombes malade, c'est que ça veut dire que quelque chose ne va pas. Or derrière toutes ces choses-là, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu cherche sa gloire. Derrière toutes ces choses. Il y a la gloire de Dieu derrière qu'il a recherché. Remarquez bien, on précise ce qu'elle faisait. Donc, c'est quelqu'un qui était de bon cœur. Elle faisait de bonnes œuvres, mais elle est tombée quand même malade. Regardez le prophète, le roi Osée là-bas. Celui qui a duré au pouvoir. Celui qui a fait tout selon la voie de Dieu. Ce roi Josias là-bas. La Bible déclare qu'il est mort comment? Lépreux. Et pourtant, celui qui fait. Les gens qui. Comme Jéroboam 1, Jéroboam 2. Les filles de Nebat de Haute là-bas. Akaz et Haute là-bas. Osoria. Il faisait du mal. La Bible déclare que chacun venait, il faisait mal plus que son père qui était avant lui. Mais il partait en guerre, même Judas montait contre eux, ceux qui craignaient Dieu, il tapait. Dieu livrait entre les mains de ceux qui ne le respectaient pas, il livrait celui qui le respectait. Celui qui est tombé malade, il est plus aussi les morts dans une maison. Si vous comprenez ça, frère, il va revenir sur ce cas-là. Vous dites, pourquoi il sait Dieu et puis ça lui arrive? Voici, on dit qu'il y avait parmi les disciples une femme nommée Dorcas. Tabitha, ce qui signifie Dorcas, elle faisait des bonnes œuvres, elle tomba malade. On ne lui a pas reproché. Donc, son statut et son CV, tel qu'il est décrit par le Saint-Esprit, elle n'avait rien à se reprocher. Pas vrai? Elle était disciple. Alors, le chrétien peut-il tomber malade? Voilà un cas. Il y a le cas de Paul lui-même, il y a des cas de Timothée, ainsi de suite, dans la Bible. Mais je ne sais pas comment aujourd'hui. Trophime, n'est-ce pas? Trophime. Alors, continuons ici, ce n'est même pas le cas, le sujet ici. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Donc sa maladie l'a conduit à la mort. C'est pour ça que le chrétien, s'il est malade, sa maladie n'est pas comme la maladie des mondains. S'il meurt, sa mort n'est pas comme la mort des mondains. Même s'il n'est pas ressuscité comme Dorcas, il a de l'espérance. Il a de l'espérance parce qu'il y a une promesse pour sa vie. En fait, pour celui qui est en Christ, véritablement, la mort est un gain parce que c'est un passage ouvert pour n'être plus soumis à des intempéries, des ténèbres sur cette terre. C'est une libération. Alors, la Bible dit, après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. C'est ça qui m'étonne. Elle est tombée malade. Elle est morte. On l'a lavée, on l'a mis dans une chambre haute. Ce n'est pas dans la coutume du Moyen-Orient. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre, on fait tout rapidement pour l'enterrer. C'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on voit les musulmans faire ces choses-là. On y va. Donc, par exemple, les gens sont allés en Arabie Saoudite, ils sont morts, on n'a pas rapporté le cadavre ici. On dit, on t'informe seulement que ton mari était parmi les morts. On l'a enterré là-bas. Donc, quand il part comme ça, il ne rentre plus jamais. Il va comme ça, il tombe là-bas, il meurt. Les deux jours qui suivent là, on l'enterre. on t'informe que ton père était parmi les morts. Ok, on avance ici. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, vous avez vu au pluriel, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoya deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pas que Dorcas est en train d'agoniser. Pas que Dorcas est malade extrêmement, que son cas de maladie, ils ont prié, ils ont jeûné. La maladie a conduit véritablement vers la mort. Certainement, ils ont lavé et ils ont déposé le corps. Il dit, ça envoie deux hommes, allez chercher Pierre. C'est Pierre à Lydde. Et on dit, quand, comme Lydde n'est pas loin de Joppé, on l'a envoyé chercher. C'est pas normal, pas vrai, frère? Quelque chose s'est passé, s'est produit dans ses disciples. La Bible déclare, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Vous avez vu ça? Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Et lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Vous y êtes? Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde. S'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Écoutez bien, écoutez verset 42. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand n'importe quelle de ces choses-là arrive aux croyants, Dieu a un but derrière. Regardez verset 42. C'est merveilleux tout simplement. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup cru au Seigneur. Voilà pourquoi il a fallu que Dieu fasse passer Tabitha par la maladie, puis par la mort, pour que les gens soient témoins de cela, de la résurrection. C'est pourquoi. Dieu ne fait pas les miracles fantaisistes, tout simplement fait les miracles. C'est pas comme ça. Donc quand Dieu permet à un enfant de Dieu que quelque chose arrive, rien n'arrive sans sa volonté. Et si ça arrive, il a un but qu'il a de chercher derrière. À cause de la mort de Tabitha, il a utilisé le miracle de la mort de Tabitha pour amener beaucoup de personnes à lui. Oh, le problème, c'est qu'il ne peut pas te dire que non, je vais faire, tu vas mourir. C'est que donc, ton cœur va battre, tu vas mourir avant qu'il ne lui dise. Donc, mieux, il te fait entrer dans le processus sans te dire quoi que ce soit. Tu crois que c'est un mot de tête simple. Vous vous souvenez dans le livre des deux rois, lorsque cette femme-là, l'enfant que la tsunami avait obtenu, il a crié, aïe, ma tête, c'est terminé, après il est mort. Pas vrai? Ma tête, ma tête. Le père dit que l'enfant dérange, pardon, donne-le à sa mère. On l'a mis à sa mère, papa, il est mort. La femme a dit qu'il n'avait pas demandé l'enfant. Voilà encore une autre chose qui est anormale. Quelque chose s'est passé en elle. Elle a dit, celle moi là, là je vais voir l'homme de Dieu. Là, comme ça, elle arrive comme ça, bam. L'homme de Dieu se tient comme ça, bam. Il sort de l'esprit n'importe quoi. Le Saint-Esprit ne lui dit pas ce qu'il arrive. Il regarde comme ça, il sait que l'arrivée, ce n'est pas l'arrivée des bienvenus. La façon que le cheval marche, que les ânes marchent là, la façon que la femme a fait la tête, quelque chose ne va pas, mais le Seigneur ne m'a pas dit quoi. La femme tombe là, homme de Dieu, il ne t'avait pas dit que tu ne me trompes pas. Quand tu étais passé là-bas manger tranquillement, il t'avait demandé l'enfant. C'est pas ce qu'il m'a donné l'enfant. Il dit que l'enfant c'est quoi? L'enfant a dit, mais ma tête là est morte. Il dit, Géasi, prends mon bâton, va. Et si tu vois n'importe quoi qui est en route, ne le salue pas. Va, impose sur le bâton. Géasi a couru, pa. Allez, quelqu'un dit bonjour, quoi, c'est ça. Bonjour, et pas là à la maison. Il dit, on est qui? Il impose ta tête. Tu fais quoi ici? Ça n'est pas allé. Géasi a encore sorti, tcha. Il dit que c'est revenu, que il t'a même. Il ne pas levé. Vous parlez d'incrédulité. Alors il a pris la chambre haute, venez, guettez comme ça que ma part est venue ici, il a marché. Écoutez bien, c'est la chambre haute là. Il allait partout, marcher, rentrer. S'est couché comme ça, bouche sur l'enfant a toussé. Quelque chose s'est passé. On ne se présente pas juste comme ça pour aller faire des miracles. Parce que tu ne peux pas fabriquer, enfin tu peux fabriquer, les gens peuvent fabriquer. Mais quand c'est au nom du Seigneur Jésus, quelque chose doit avoir été fait dès le départ. C'est pour cela que j'ai dit, la vraie prière, ce style-ci, c'est entrer d'abord dans le sanctuaire de Dieu, prendre quelque chose et venir. Mais comment Pierre, Paul peut-il se tenir là-bas dans ce chapitre 14? Il dit, la Bible déclare que, voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Je veux que vous m'expliquiez aussi ça. Comment il a vu que quelqu'un avait la foi? Un Lycaonien. Il est assis comme ça. Il n'a pas le livre de Moïse. Paul voit qu'il a la foi. C'est quoi? Voyant qu'il avait la foi. Qu'est-ce que la Bible appelle par voyant qu'il avait la foi pour être guéri? C'est quoi la Bible qui lui dit? Tu veux parler? Que c'était le moment. Comment il a vu que c'était le moment? Comment on voit le moment? C'est ces choses-là qui veut vous sachiez que quelque chose se passe. C'est un peu comme quand j'étais entré à la maison de comment on appelle encore là? Non, le c'est des petits détails là. Moi, sachez. Ah, ok, ok. Après, lui dit le salut et en venant ta maison. Mm-hmm. Je pense que c'est un peu similaire. Mm-hmm. Dans ce que quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Toi, Jésus n'a pas dit que hey, Zaché, tu es mal barré. Tu fais une mauvaise vie. Est-ce qu'il lui a dit quelque chose? Non, il mangeait seulement. Subitement, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Mais il y a des choses qui me poussent à poser une question. Et c'est là le problème. Remarquez, vous avez remarqué que la Bible parle dans ce Luc chapitre 8 de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ en est parti dans la foule. Elle se dit en elle-même, si je parviens à toucher son vêtement, il serait guéri. Je pose la question. Qui lui a dit qu'à cet instant, si elle touche, elle sera guérie? Les gens ne touchent pas Jésus? Hmm? Ok. La Bible déclare que Pierre, son ombre, on mettait son ombre traversait sur les malades même étaient guéris, c'est ça? Ok. Qui leur a dit que son ombre guérit? Que ça guérit une première personne? Qui a dit à cette femme-là que touche son habit? Et la preuve est que quand il a dit que qui m'a touché, les disciples lui ont dit quoi? La foule te presse, comment tu veux dire qu'il a touché? Voilà. Alors, regardez. Elle a fait comme ça. Parce qu'elle a dit que c'est touche que c'est un bout de son vêtement. C'est comme ça. Quelqu'un a dit que yeah, j'ai touché Jésus. Yeah, yeah. J'ai touché Jésus aujourd'hui. Maman, j'ai touché Jésus. Ce n'était pas lui dont Jésus parlait. Il a dit quelqu'un m'a touché. C'est quoi? Il dit qu'il y a les paroles dans la Bible. Donc vous pouvez être dans la même zone. L'ombre passe, ça touche quelqu'un sans vous toucher, sans que vous ne touchez. Il y a une question que vous pouvez vous poser. Oui. Est-ce qu'on va dire que Jésus, simplement, regardant. Il cherchait la personne qui l'a touché, n'est-ce pas? Mm-hmm. Il cherchait la personne d'où c'est sorti. Souvenez-vous, quand il touche comme ça, une grande force sort. C'est ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. C'est terrible, ça. Donc, il y a une touchée qui emprunte quelque chose de Dieu. Une touchée. Quand tu touches, quelque chose sort de Dieu. Ça me permet de poser une question. Cette question, je n'ai jamais pensé à cela. Je m'ai posé ça à Madame Tani. Alors, comme là-bas, lorsque j'ai parté avec ma Bible pour déposer et que le Saint-Esprit est venu, il a dit que c'est maintenant. Mais souvenez-vous, c'est toi qui étais à côté de cette femme, la femme qui avait la profession de poumon. N'est-ce pas? Je veux savoir, quand quelque chose est sorti de ma direction, ça allait là-bas, ça l'a renversé. Tu as senti quelque chose sur toi? Voilà. C'est ça que je vais vous expliquer. Parce qu'elle n'est pas concernée. C'est pour cela que tu peux t'asseoir à côté de quelqu'un. On dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. Tu es de l'homme, tu entends la personne fait bam! Mais tu le vois, on sait que c'est celui comment? Mais c'est celui. Tu entends groupe, tu vois la personne vibre du début jusqu'à la fin. Mais toi, tu es à côté, ça ne te touche pas. Parce que c'est pour lui. C'est pour lui. Oh, ces choses, quand j'ai déposé ma Bible, comme ça, comme cela. Il a dit non, c'est maintenant. Je suis tourné là, comme ça, que. N'est-ce pas? Je ne suis même pas venu vers vous. Il croit que c'est la chute de la femme là qui l'a aussi renversé. Elle a dit c'est toi, mais on m'a dit que maman a dit ça, les démons. Alors que c'est pas ça. Elle a fait le faux pour ne pas tomber. Ça a fait comme ça là. Allez là-bas, va frapper sur elle. Alors, comment on peut fabriquer ça? Ok, si tu voulais fabriquer, tu vas mettre un ventilateur qu'on ne voit pas là-bas et que ça fasse juste du bruit. En fait, quand ça a fait comme ça, je dis par la suite qu'il est au milieu de nous. Chaque femme a bougé, elle dit que oui, c'est vrai qu'il est au milieu de nous. Ça me dépasse. Regardez dans Jean chapitre 5, la Bible déclare qu'à côté de la piscine là, à côté de cette piscine, il y avait une grande quantité de malades en multitude, un grand nombre de malades. Ils passaient au milieu. Ils passaient au milieu. Pendant qu'ils passent, quelqu'un me dit, dis-toi, est-ce que tu me caches? Je suis prêt à entrer dans l'eau. La personne qui est l'auteur de la guérison est passée à côté. On le pousse lui-même. Il passe au milieu. Il passe, il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un. Il vient. Il trouve celui-là. Oh, le truc est là-bas. Il veut passer. Veux-tu être guéri? Quand il veut moi descendre dans l'eau là-bas, quelqu'un a sauté dans l'eau. Veux-tu être guéri? Comment on peut poser la question à quelqu'un qui est malade à l'été depuis 38 ans, qui veut être guéri? Ce qui veut vous faire comprendre, c'est qu'il est passé au milieu de la foule. C'est le même habit que les femmes l'avaient touché et que la force est sortie pour la guérir. C'est le même habit, il frôlait ça sur les gens. Son même ombre passait sur les gens. Pas vrai? Pour aller détecter ces malades, il a fini là encore passé là-bas. Ce même habit s'est passé à frôler les malades. Ce même ombre a traversé sur les malades. Les malades n'ont pas été guéris. La guérison, les miracles dépendent totalement et entièrement de la volonté de Dieu. Souvenez-vous, dans, si vous lisez votre Ésaïe chapitre 35, il dit lorsqu'il va venir là-bas, les fleuves vont jaillir de la source. Il va frayer le chemin, les aveugles vont voir, les boitons vont marcher. Pour qu'il vienne, il faut que ces choses-là soient sur place. Il faut que quelqu'un soit boiteux. Il faut que quelqu'un soit malade. Il faut que quelqu'un soit estropié. Il faut que quelqu'un soit aveugle. Il faut que les gens meurent. Pour qu'il le fasse. Donc il y a des gens qui sont destinés pour cela. Donc destinés à être aveugles. D'abord, dans Jean chapitre 8, chapitre 9, on a vu quelqu'un qui était aveugle de naissance, n'est-ce pas? Les disciples lui ont demandé que qu'est-ce qu'il faut. Celui-ci a fait quoi? Il a dit que ce n'est ni parce que ses parents ont péché, ni parce que lui il a péché, mais c'est afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en lui. Donc Dieu a décidé qu'il fasse comme ça. Pour qu'il guérisse, pour qu'on dise que ton nom est glorieux. Si quelqu'un se fâche, il déchire le ciel. C'est ça, n'est-ce pas? La volonté de Dieu. Donc il y a quelque chose qui se cache. Quelque chose qui se cache. Cette chose-là, c'est le désir de Dieu de s'exprimer en l'homme. Cette chose. Le désir de Dieu de s'exprimer en l'homme. Cette chose. Le désir de Dieu de s'exprimer en l'homme. Quand il est exprimé, comment il a fait pour s'exprimer pour que les gens croient dans le cas de Acte 9? Il commence par au niveau de la maladie de Dorcas. Vous pensez que les disciples n'ont pas prié pour Dorcas pour qu'elle soit guérie? Quand tu pries, Dieu augmente. Tu pries pour chasser la maladie que Dieu a permis que ça vienne au nom de Jésus. Oh, ici, si on priait pour quelle est ta volonté de laisser ma servante tranquille, elle est entre mes mains. Pas vrai? Nous chassons la maladie ici au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas ta volonté. La Bible dit que tu as porté toute la maladie à la croix. Ok, si c'est aujourd'hui qu'on connaît qu'il a porté toute la maladie, il avait porté la laisser pour Dorcas. C'est ça, non? Il dit qu'il avait porté toutes les maladies qu'il avait oubliées pour Dorcas. Et ça, frère, souvenez-vous, il a accompli toutes ces choses-là. Mais chacune de ces choses-là doit s'accomplir en son temps pour chacun de nous, selon sa volonté. Donc, cette chose-là, c'est le désir de Dieu de s'exprimer dans l'homme, dans l'être humain. Pour le cas de Dorcas, il a voulu s'exprimer dans la vie de ces personnes-là qui ont cru en lui, en commençant par la maladie. Comment il va faire pour que ceux-ci croient? Leur croyant va passer par la résurrection de quelqu'un. Il ne demande pas que vous voulez que qui meure. Qui a décidé pour la maladie? C'est lui, pas vrai? Alors, le but qu'il a de chercher derrière cette maladie, c'est la résurrection. Pour qu'il ressuscite, il faut que la maladie part crescendo. Pour que les gens entendent qu'elle était malade. Elle est morte. Les gens soient témoins, on l'a lavé. On l'a déposé. Parce que c'est ce style de choses qui peut faire croire ceci. Vous avez compris ça, frère? C'est ce style-ci qui peut faire croire cela. C'est comme ça. Observez dans ces Actes chapitre 14. Quand il s'est tourné là, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, l'anglais lycaonien, dans une ville où personne ne connaît, lève-toi sur les deux pieds, bam, hein? Des dieux descendus sur le pont, mais wonderful, on n'a jamais vu de telles choses. Pourquoi? Ils connaissent bien celui qui était là depuis. Non, ne faites pas ça. Tu es, ou pas, tu es Jupiter. peut-être toi-même qui guéris, tu ne te connais pas, tu es Jupiter. On lui a dit qu'il est Jupiter, on dit on n'importe pas pour qu'il est Jupiter, non, c'est toi qui portes la parole. Donc toi là c'est Jupiter, c'est toi qu'on enseigne dans les livres ici. Alors, tu vois ce que tu es venu ici, il y avait une promesse que je devais venir vers nous. Il dit que chercher les bélions sacrifiés à Paul. Quoi? Ne faites pas ces choses-là. Dieu qui a fait les cieux et la terre. Le but pour ceux-ci, c'était pour que, c'est pour passer par là-bas. Pour s'exprimer dans la vie, dans ce geste-ci, il fallait passer par celui-ci. Donc, l'anglicanien, même si Jésus n'était pas encore venu, celui-ci était préparé pour cet événement. Il fallait que cet événement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est malade, estropié là-bas, pour que ça s'exprime. Dieu a prévu toutes choses. Et toutes choses fonctionnent comme il veut. Rien ne le surprend dans ces événements. Dieu n'est pas là en train de voir, en train de chercher les solutions à une situation pour résoudre un problème. Vous me saisissez? Il dit, Dieu n'est pas comme nous que s'il arrive maintenant qu'il y ait incendie, ici on a dit que qu'est-ce qu'il faut rechercher? L'eau est par où? Le seau est par où? Non. Si Dieu organise un incendie, avant d'organiser l'incendie, il a préparé le robinet pour éteindre. Est-ce que vous saisissez? Il l'a préparé. Il faut qu'on fasse attention. C'est nous ne comprenant pas ces principes de Dieu, on commence à se lamenter sur la terre. Mais ces disciples-ci de Actes chapitre 9 ont décidé d'amener, aller appeler Pierre. Je vous dis, c'est anormal. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Le désir de Dieu de s'exprimer dans les ailes. Le désir de Dieu. Quand il veut s'exprime dans les êtres, il dispose des choses A, B. C'est lorsque ça s'accomplit que nous, autour du côté, nous comprenons que c'était le plan de Dieu, que telle chose arrive. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas intérêt en tant que Dieu à nous dire. Mais tôt ou tard, nous comprenons toujours que c'était lui qui était derrière. C'est en ce sens-là qu'à chaque fois, nous lui rendons grâce par le nom de Jésus-Christ. Qu'il est infiniment grand. C'est pour ça que l'apôtre Paul, en voyant toutes ces choses-là, dit que qui lui a donné conseil d'abord pour recevoir. C'est ça. La foi. Dit, la foi est une chose. Je vous pose, tout à l'heure, c'était un verset, c'est dans Hébreux chapitre 4. Il dit, nous qui croyons, nous entrons dans ce repos. C'est ça que l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas? Il dit que cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée, ça a été aussi annoncé à eux, pas vrai? Alors, on dit que la bonne nouvelle que nous avons reçue maintenant, qui nous fait croire, on a annoncé ça dans le passé. Vous voyez ça, frère? Effectivement, on a annoncé la bonne nouvelle dans le passé. Puisque Jésus qui dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage. C'est écrit dans ce livre de lui dont on parlait. Donc quand tu prends dans nous, que je mets ma tête, ma main sur cet agneau-ci, la santé coupe comme ça, là, tu as de l'annoncer. C'est la bonne nouvelle. Que quelqu'un d'autre prend ta place. Tu as de l'annoncer. La même chose. On n'a pas besoin de dire que crois au Seigneur Jésus-Christ, que c'est le Seigneur qui te sauve. C'est que tu as de faire témoin de l'acte qui est en train d'arriver, dont la bonne nouvelle leur a été annoncée. Mais on dit que ça ne trouve pas de foi chez eux. Comment ça n'a pas trouvé de foi chez eux? Ouais, maintenant on commence à expliquer ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc la foi est une chose qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé. Beaucoup ont été délivrés de la guerre de lion. Beaucoup ont été ceci, beaucoup ont été sciés. Ok, maintenant on dit, c'est par la foi que nous croyons que le monde que nous voyons, le monde visible, a été fait par la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit? Ok, dites-moi. Il dit, c'est pas la foi que nous croyons. Vous pensez que c'est unanime, que tout le monde croit que c'est la parole de Dieu qui a créé? Qu'est-ce que la science dit? Qu'il y a eu un Big Bang. Comment nous parvenons à croire que c'est Dieu qui a dit que la terre soit et la terre fait, et ils ne peuvent pas croire? Je veux que vous me dites ça. Parce qu'il dit, c'est pas la foi que nous croyons que des choses qui existent ont été faites à partir de l'invisible, n'est-ce pas? Quand il dit nous, il ne veut pas dire tout le monde entier, parce que tout le monde entier n'est pas d'accord avec cela. Alors je pose la question, comment se fait-il que quelqu'un passe toute sa vie à vouloir démontrer que ça ne peut pas être vrai, que quelque chose s'est passé, pour que quelque chose se passe. Et il finit parce que son fils veut continuer, Charles Darwin. Il finit, son fils veut continuer là-bas. Il voit des incohérences dans sa démonstration. Les deux groupes scientifiques disent que ça ne peut pas être ceci, mais il continue toujours dans sa. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Ou bien Dieu avait, comme Frère Michel dit, quand Dieu a créé, il a arrêté son esprit dans celui-là. Pour qu'il ne croit pas. Et Frère Michel. Donc il y a un temps où Dieu avait donné son esprit à l'intérieur de l'homme. Intérieur l'a retiré. Est-ce qu'il s'agit du Saint-Esprit là? Donc faisons attention. Quelque chose doit se passer pour que ces genre de choses dans la Bible se passent. Tu es réuni là-bas. On a dit les disciples, il y avait parmi les disciples un servante qu'on appelait Dorcas, non? Les disciples n'ont pas prié. Elle est tombée malade. Tu crois qu'elle est tombée malade comme ça là? Quand l'apôtre Paul, lui, l'a vu laisser Trophée en milieu malade, tu penses qu'il a Trophée est malade, vous allez dire, ouais, Trophée, ah, il y a. Après, il est parti. Vous pensez que c'est ce que l'apôtre Paul peut faire ça? Celui qui avait compassion des corps, il a dû sonder l'esprit pour savoir quelle est la volonté derrière la maladie. Vous suivez ça, frère? Quelque chose doit se passer. Dans le style des fois dont parle la Bible, vous voyez les œuvres là. On ne se lève pas tous au matin. Ça ne sert à rien de prêcher quand l'apôtre Paul a dit que c'est que j'ai. Tu te donnes au nom de Dieu qui lève toi et marche. Maintenant, je te donne, je te lève toi et marche. Tu parles. C'est l'imitation, c'est l'excitation et l'exaltation de la religion. Ça ne marchera pas comme ça. Si Dieu fait ça, ça va produire quelque chose qu'il en a de chercher. Parce qu'il a un désir de s'exprimer, de se faire voir au travers des êtres. Il prend un être, vil, transforme, pour transformer un autre. D'accord, mes frères? Donc, la foi, exercer la foi. Je crois qu'en expliquant toutes ces choses, vous allez comprendre de quoi il est question. Pour exercer la foi, il faut connaître la foi que tu as. Il faut être sûr que tu la possèdes. Par la foi, les gueules de lion ont été fermées, pas vrai? Comment quelqu'un qu'on dit qu'on va le mettre dans les gueules au lion? Reste serein. Je veux que vous dites ça. Comment quelqu'un qu'on va mettre dans le feu dit qu'on ne connaît ça? Vie éternellement, on peut vivre éternellement. Si tu ne me, même si Dieu ne nous délivre qu'un être humain, quand t'as chicoté un chicot, ce que tu vas dire, qu'on se prosterne, on laisse même la terre encore. Après, on va s'élever, Dieu va nous pardonner. Ils ne peuvent pas. À cet instant, Dieu veut montrer quelque chose. Il veut s'exprimer. Il veut que son nom soit élevé dans le règne de Kanessa. Quelque chose se produit dans ces êtres-ci pour qu'ils puissent résister ainsi. D'accord? Alors, Étienne est transmis, est amené devant le Sanhédrin. On parle. Il dit, homme au courroie, lequel des prophètes ne veut pas tuer. Vous avez fait ceci, vous avez fait ceci, vous avez sacré. M'avez-vous divisé, offert des sacrifices pendant. Qu'est-ce que Étienne fait? Vous pensez que c'est Étienne qui en a fait? Et qu'on lance un premier caillou, PAM! Ses yeux s'ouvrent, sa tête s'ouvre comme ça, le cerveau sort. Il se tourne là-bas et dit, Seigneur, ne l'impute point ses péchés. C'est un être humain, frère, qui en a parlé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose. Cette chose-là, si ce n'est pas en toi, on te donne le premier jour. Tu vas croire peut-être que ta tête est en train de regarder par derrière. La prochaine fois qu'il va faire, tu vas déposer la Bible, tu vas former le coup de poing. Que ce n'est pas parce que j'en ai fait comme ça, même Jésus qui est entré dans le temple, et là, directement les versets bibliques correspondant à l'acte que tu vas accomplir tout à l'heure là. Sort. Tu dis que, n'est-ce pas, Jésus est entré dans le temple, il a chicoté déjà avec la fronde. C'est dans le Nouveau Testament, non? Nothing! Pourquoi? Vous en avez rire, attendez seulement. Attendez. Que quelqu'un vous donne vraiment une bonne chiffre. Comment? Et que tu ouvres les yeux, comme ça, tu vois, c'est comme si les étoiles sont sorties comme chez les Tintins là. Tu vas savoir de quoi il est question. Il y a une promesse que le Seigneur a dit. Il a dit que lorsque vous serez miné devant les tribunaux, devant les rois, ne méditez pas. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. C'est ce qu'il a dit, frère. C'est quelque chose que le Seigneur me dit. Dans ces moments-là, quelqu'un entre en action. Mais il ne dit pas que « me voici ». Vous ne verrez nulle part où Étienne s'est tenu là. Le Saint-Esprit a dit que « maintenant c'est le Saint-Esprit qui parle ». Comme quelqu'un va dire que « oh frère, je vous aime, je vous aime ». Non, non, c'est Dieu. Si quelqu'un fait une de ces choses comme ça, il change la voix. Délivrez-le directement. Oui. Avant vous chassez, ça va sortir, vous allez savoir que c'est pour le Saint-Esprit justement. Alors il y a un problème. Je vous ai toujours dit qu'il faut faire la part des choses lorsque c'est l'homme qui parle, lorsque c'est l'œuvre humaine, lorsque c'est l'homme et lorsque c'est Dieu. Dieu a rendu la chose difficile et en même temps facile de discerner. Pour que quelqu'un qui est devant les gens, qu'on peut le condamner à tout moment, commence à parler avec assurance, mais avec amour, avec fermeté, alors que normalement il ne devait avoir peur. Quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, que vous tenez là-bas, vous commencez à effrayer, vous commencez à babadiner. Mais quelqu'un parle, la Bible dit que le Sanhédrin le fixe, il regarde celui qui vit son visage comme celui d'un ange. C'est ça? Quelque chose est. Il était dans une autre dimension. Alors, ce n'est pas normal donc qu'un être humain se tient comme ça, il parle de cette façon-là. Puis, quand Pierre s'est tenu là, dans ce Actes chapitre 5, alors qu'Ananias et Saphira ont fait le partage, l'autre allait cacher pendant que l'autre venait à l'assemblée, il s'est tenu là, il a dit que. Sa fille. Oui, papa. C'est comment? Ça va très bien. Tu as vendu le champ à combien? C'est 3 millions. Mais la discussion était dure. Hein? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ou pour que tu mentes au. Où se trouve le Saint-Esprit? Lorsqu'il a posé la question la première fois, Ananias devait savoir que ce n'est pas un être humain qui est en train de parler. Il devrait savoir cela. Il devrait savoir que ce n'est pas un être humain qui est en train de parler. Mais le problème, c'est que c'était la voix de l'apôtre Pierre, la voix qui peut dire bonsoir, frère. Bonsoir, mon frère. C'est cette voix qui parle. Après, c'est tourné là-bas. Il a dit pourquoi Satan a-t-il rempli vos cœurs ou pour vous mentir au Saint-Esprit? La Bible déclare entendant ces paroles, il tomba et expira. C'est ça, frère? La femme entre vous, on a pris à aller enterrer. Vous avez ce qu'il disait tout à l'heure. Quand quelqu'un meurt, on enterre. On a pris là à aller enterrer. La femme entre. 3 heures après. Oui. Il entre là-bas. Ça, ça va ce qui est arrivé. Maman, le champ, c'était à combien vous avez vendu? Elle devait savoir que quelque chose ne va pas. On a tenu déposer les offrandes ici, on ne parle pas. Mais pourquoi aujourd'hui, demain, on pose la question? Il suffisait de dire, nous avons vendu, nous avons pris une partie, nous avons gâché parce que vous devez faire des choses. On devait dire, ma soeur, il ne fallait pas faire comme ça. Elle a dit que non, c'est 3 millions. Donc c'est l'association jusqu'à la mort. Pourquoi Satan a-t-il rempli vos cœurs? Ce n'est pas à un homme que vous avez menti, c'est à Dieu. Qui est en train de parler? Il n'a pas dit, maintenant, tu vas mourir, Ananias. Tu vas mourir. Non. Maudit soit-il, non. Quand elle a dit, la sentence est tombée. C'est un ange qui a frappé. Bam! Regardez-moi. Donc, il faut qu'on fasse attention. Donc, quelque chose là, faisons attention. C'est quelque chose-là, le désir de Dieu de s'exprimer. Quand il veut s'exprimer, il te montre. Il te montre et puis la personne avance. Souvenez-vous, Moïse a dû voir la crucifixion du Seigneur jusqu'à avant de quitter l'Égypte. Vous savez ça, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il a vu Christ crucifié avant de quitter l'Égypte, n'est-ce pas, frère Michel? C'est ça dont il est question. C'est ça donc ce qui a produit la foi en lui. Dans ce sens, ça donc le réma. Il faut que tu aies suivi quelque chose, bien que tu aies vu quelque chose. Que quelque chose, soit produit. Pour que tu puisses. C'est quelque chose-là. C'est le désir de Dieu de s'exprimer. Quand il veut s'exprimer, il s'exprime ainsi. Quelque chose se produit. D'accord? Donc, comment donc tu vas dire, tu te lèves comme ça? Comment tu peux te lever comme ça? Tu dis que lève-toi. J'ai quelque chose à te dire. Pourtant, dans la pensée humaine, tu n'as rien à le dire. Tu dis, alors lève-toi, bonjour, bonjour. Il y a telle chose. Qu'est-ce qui a laissé passer? Bon, c'est vrai que le domaine prophétique, c'est un autre domaine là-bas. Mais quittons ce domaine-là. Quelqu'un, tu viens et puis tu mets la main au nom de Jésus. Quelqu'un a mal au pied. Au nom de Jésus, qu'il soit guéri. Ok, maintenant, la personne est guérie. Qu'est-ce qui s'est passé? En étant quelqu'un à côté, tu dis, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, rien ne se passe. Tu dis, frère, prends ma main, tu mets la main, tu prends la main, tu mets la main, il n'y a rien. Parce que c'est limitation ici et là-bas, c'est le désir de Dieu de s'exprimer. Le désir de Dieu de s'exprimer. Dieu a prévu toutes choses. Dieu a prévu. Souvenez-vous de cette Dorcas, je l'ai dit là. Donc vous dites, pourquoi je suis malade? Pourquoi il t'a choisi telle chose? Souvenez-vous de Dorcas. Qui aimera que sa maladie conduise vers la mort pour glorifier Dieu? Ouais, personne ne parle plus. Même si vous voudrez et que ce n'est pas comme ça, là, ça ne peut pas se passer parce qu'on a prévu que Dieu a tout mis de A jusqu'à Z pour sa gloire. C'est seulement pour vous titiller maintenant, pour que vous voyez, quand que maladie mort, boum, boum, je meurs comme ça, je pars, et s'ils sont en enfer. Hey! Donc, vivons, témoignons, marchons pour la gloire de Dieu. Soit qu'il nous fasse n'importe quoi, que nous soyons seulement pour sa gloire. Il faut que n'importe quoi arrive. Que le témoignage, c'est que tu es déjà avec Christ. Et quand si tu es avec Christ, n'importe quoi qui a envie d'arriver, c'est lui qui est derrière. N'importe quoi. Je peux vous prendre un fil comme ça dans la vie. Ne vous inquiétez pas, rappelez-moi, c'est moi qui vous parle. Dieu, au courant, au contrôle, prévoyant toutes choses, c'est le sujet, on va en parler. Dès que c'est sorti là, Dieu, au courant, au contrôle, prévoyant toutes choses, ce sera un sujet intéressant parce qu'on va parler dans la Bible. Quand on va lire cela dans la Bible, vous n'allez plus dire à quelqu'un que frère, je souffre. Frère, ça ne va pas. Vous allez seulement voir. Il dit bien Dieu, au courant, prévoyant, et en disposant de quoi? Toutes choses. Rappelez-moi seulement, le jour que vous voulez qu'on paie, on met la main sur l'accélérateur, on prend un premier verset, on se balade. Alors vous allez voir ces choses-là désormais, vous allez voir la Bible autrement, vous allez voir Dieu autrement. Quand vous allez regarder les choses, vous passez, vous voyez les gens dans la rue qui souffrent, vous voyez un homme comme ça qui souffre, il a attaché un petit truc, il a démarché dans la poubelle. Je te pose la question, oh Dieu, je suis un être humain, il a tout comme moi, qu'est-ce qui ne va pas? Son esprit n'est pas là ou son âme n'est pas là. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui, il a pris la bague. Seigneur, tu peux avoir la miséricorde. Même si tu as n'importe quoi, tu ne peux pas aimer cette personne plus que Dieu. Donc Dieu sait quelque chose qui vient de se passer. Vous voyez? Vous dites, tu vas voir les gens qui souffrent, tu vas voir quelqu'un qui il est tellement le pied comme ça avec la maladie, la mouche partout, il ne peut pas chasser. Tu vois dehors, ton cœur fait du mal. Mais c'est là pour nous interroger. Ces choses sont là pour nous interroger. Vous voyez, tellement quelqu'un, il y a d'autres personnes qui font n'importe quoi, ils ont de l'argent. Mais toi, pour que tu aies 25, pour que tu aies 25 francs, tu sais, tu restes comme ça un jour quand tu dis comme ça que je suis venu vraiment accompagner les gens sur la terre ici. Tu te tournes, tu vois un enfant passe comme ça là, avec une voiture. Tu dis que moi, depuis que mon arrière-grand-père et arrière-grand-père, on n'a jamais vu une bicyclette. Celui-ci a fait comment pour avoir la voiture de 33 millions? Et pourtant, il n'a pas volé. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu, prévoyant toutes choses, connaissant toutes choses, on va parler de cela. Et pourtant, tu fais comme ça là, tu es avec Dieu. Lui, quand tu te tournes, tu dis que Jésus-Christ t'aime, que tu as faim. Dieu, d'aider. Donc, faisons attention quand Dieu veut s'exprimer. Donc, manifester la foi. Comment manifester la foi? C'est quoi recevoir par la foi? Je crois que vous avez des éléments. Je crois que vous avez des éléments. Pour l'avoir possédé, beaucoup ont reçu le témoignage. Pour l'avoir possédé. Maintenant, que dites-vous de ces versets, de ces passages de la Bible hébreu, Éphésiens chapitre 2, verset 6 et suivant? C'est par la foi que nous sommes sauvés, par le moyen, par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous dites? On est sauvé par comment? Ça vient de qui? De Dieu. Ok, maintenant, comment tu peux dire à quelqu'un que tu fais croire au Seigneur Jésus-Christ? Crois. Comment tu vas dire à quelqu'un croire? Comment il va faire pour croire? Comment il va faire pour croire? C'est pour ça que quand les gens me posent la question, ok, si les non-chrétiens qui vont à l'assemblée, à l'église, maintenant ils vont prier, j'ai dit c'est le plus grand danger qu'un être humain doit poser là-bas comme acte. Le plus grand danger pour un être humain, c'est quitter le monde pour commencer à aller s'asseoir à l'église, commencer à suivre. Parce qu'il va suivre les choses de Dieu, suivre les versets bibliques, commencer à répéter. Quand on dit Amen, on dit Amen. Quand on dit Amen. Donc désormais, il commence à s'accoutumer à ces choses-là. Il va se croire peut-être qu'il est chrétien. Oh, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui. Le verset ne commence pas là-bas. Ça commence depuis le chapitre précédent. Passe en Macédoine et secours-nous. Après cette vision, nous comprenons que Dieu nous appelle à annoncer l'évangile. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, qui se prépare. Il faut qu'on répète cette personne. Quelque chose s'est passé. Ah, elle me dit, quoi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu parles. Depuis que tu as cru. Ok, ta famille est sauvée. Hein? Parce que. Puisqu'on dit que crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ok, depuis que tu as cru, toute ta famille est sauvée. N'est-ce pas eux qui prennent le bâton chaque fois pour te chasser? Alors, si tout le monde croyait et que sa famille était sauvée, Matthieu, que Jésus a dit dans ce Matthieu 10 là, que désormais 2 seront dans 5 seront dans le même 3 contre 2, 3 ne seraient pas accomplis. C'est aussi simple que possible. Le bon sens voudrait que les gens comprennent cela. Ça ne s'accomplirait pas. Parce que toute la famille sera sauvée, il n'y aura pas de distinction et de dissension dans la famille à cause de cela. Il faut qu'il y ait cela, les divisions. Ne croyez pas qu'il soit venu mettre la paix. Vous dites, Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu mettre la paix, s'il a témé l'épée. Mais l'apôtre Pierre dit ici que vous avez rejeté le prince de paix. Mais le prince de paix n'est pas venu mettre la paix. Il est venu faire quoi? Oui. Il n'a pas dit qu'il n'est pas venu donner la paix. Il n'est pas venu mettre la paix sur la terre, mais il est venu donner la paix dans les cœurs. La réconciliation avec Dieu. C'est ça la vraie paix. Il n'est pas venu pour qu'on vive bien sur la terre, qu'on s'assoit, on t'entende bien. Quand on l'a porté dès sa naissance, on dit qu'il est amené, son destination, c'est qu'il va amener la chute et le relèvement. Donc, c'est le rocher de scandale, pas vrai? N'est-ce pas ce qui est écrit de lui? Donc, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Il n'a pas dit que je ne suis pas venu apporter la terre, mais il a dit sur la terre. Mais pourtant, il est le prince de paix. Donc, il parle de la paix dans le cœur. Souvenez-vous de ceci. Et la paix de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous avez vu ça? Rempli là-bas. Vous avez vu ça? Là-bas, ça se trouve, n'est-ce pas? C'est là-bas. C'est là-bas que ça se trouve. Alors, ça veut dire que même si le monde boue, même s'il y a des tribulations n'importe comment, il y a quelque chose, une stabilité dans ton cœur. Vous dites, quoi, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille? Quand celui-là, à qui cela a été adressé, quand il a cru, la Bible déclare que toute sa famille a été sauvée. C'est pas ça? Il n'a pas intercédé pour sa famille. Il n'a pas intercédé pour sa famille. Seigneur, prie pour ma mère, sauve-la, sauve-la, tu parles. C'est pas comme ça. Souvenez-vous de ceci, quelque chose doit se passer. Passe en Macédoine. Il n'a pas dit, et secoue-moi. Vous avez vu ça dans cette vision-là? Passe en Macédoine et secoue-nous. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et si quelque chose se passe, Dieu a une destination, quelque chose, un désir de pouvoir s'exprimer. Manifester la foi. Manifester la foi. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Dit-il au paralytique, lève-toi sur tes deux pieds. Alors, quand tu dis lève-toi sur tes deux pieds, pour quelqu'un qui n'a pas marché depuis 40 ans, qu'est-ce qui fabrique le pied là? Si quelque chose ne s'est pas passé, je vous pose dans la question. Vous voyez ça, frère? Ces choses, ne comprenons pas cela, c'est ça, c'est d'où est sorti donc la doctrine de la confession de la foi là. Où on croit qu'en disant, en répétant ça, quelque chose va finalement finir par passer produit. C'est ça, c'est le fait qu'on n'ait pas compris cela. Que ceux-ci n'ont pas prononcé parce qu'ils passaient sur le temps dans les chambres à prononcer. Quelque chose se produisait et ils le faisaient. Et c'est ça qui fait problème aujourd'hui parce que je comprends que les gens qui c'est une parole qui n'est pas destinée à tout le monde. Mais on passe le temps à la réciter. Parce que quand tu regardes par exemple là où Jésus dit, tout ce que vous demanderez par la foi dans la prière, quoi que vous avez ressuscité, le Seigneur s'accomplit. Oui. Bon, il y a des gens qui demandent, mais ça ne s'accomplit. Et qui se convainc même qu'ils croient. Qui croient. Dans ce cas, c'est que si les deux conditions sont réunies, on demande. et qu'on croit, enfin, croit entre guillemets. Et si ça n'est bien passé, c'est juste qu'il ment, menteur, on est d'accord. Si ça n'arrive pas, alors il y a un problème. En réalité, ça se pose que on croit qu'on croit. C'est ça le vrai problème. C'est même dans par exemple, on dit que nous avons cette assurance au pied que si nous devons être selon sa volonté. Qui nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose, quelle qu'elle soit. Comme on n'a pas possédé cette façon, on a trouvé une deuxième façon. Que c'est en récitant comme cela que ça va sortir. Que récite par la foi. Arrache ta voiture par la foi, ton futur par la foi. Parce que la bouche, vous savez quoi? La bouche et la mort et la bouche sont au pouvoir de la langue. Tu déclares la mort, tu auras. J'aimerais que vous entrez voir la personne de la foi dans la Bible. Jean, voyez ce qu'il a déclaré par rapport à sa naissance. Voyez ce qu'il a déclaré. C'est le moment. Et voyez si ce qu'il a déclaré est en conformité à ce qui est arrivé plus tard. Parce que quand Dieu veut agir, ta déclaration ne fait absolument rien. Vous savez, n'est-ce pas? Que non, si je parle maladie, la maladie va venir. C'est pas ça. Dorcas a-t-elle parlé de maladie pour que ça vient? Dorcas là, a-t-elle parlé de maladie? Trophime a-t-elle parlé de maladie? L'apôtre Timothée a-t-il fait quelque chose pour que le mal de Bavane l'arrête? Le mal de Bavane là, il a parlé de cela. L'apôtre Paul, il a mal parlé pour qu'un ange de Satan nous souffre chaque fois dans la chair. Il a parlé, non, la volonté de Dieu. Alors vous allez voir, donc les gens vont mettre des trucs. Je crois et je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, qu'il est venu afin que j'ai la vie, j'ai vu en abondance. J'ai possédé cette vie en abondance, dans mon mariage, la vie en abondance. Ma vie ne sera plus d'échec. Vous entendez ces choses? La psychologie. En faisant comme ça, on va avoir dans l'abondance. On ne confesse pas pour que la foi vienne. On ne confesse pas. On ne fabrique pas la foi. La foi n'est pas la somme des confessions, des paroles de la foi. La foi, c'est pas ça. C'est-à-dire, je vais dans la Bible, je réitère toutes les promesses de Dieu. Je récite, ça fait naître la foi. Va là-bas, tu vas voir Sarah qui a enfanté, l'autre qui a enfanté, et même la série de la stérile va enfanter 7 fois. Récite cela. Et puis, elle enfant, on voit. Tu réussis, ça permet de spermatozoïde, non? Si c'est l'azote permis, ça transforme l'azote permis. Toutes ces personnes-là, le simple bon sens de jeter coup d'œil dans leur vie, vous devez savoir que Dieu recherchait quelque chose dans leur vie. Quelque chose Dieu recherchait. Et ces choses, Dieu a fini par le faire. Alors la question, c'est en regardant ces choses-là, tu dois savoir, c'est effectivement que l'enseignement qui devait en sortir, c'est que si je suis dans stérile, Dieu cherche quelque chose. Ta part maintenant, c'est une écriture. C'est une écriture. Regardez la façon que Dieu a travaillé avec les gens. Dieu n'a pas travaillé avec deux personnes dans la Bible de la même façon. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué ça, frère? Il n'a pas travaillé avec deux personnes de la même façon, même s'ils ont le même maladie, mais la même chose. Pourquoi? Sarah a eu combien d'enfants? Regardez la mère de Samuel. Après Samuel, il a eu des enfants, pas vrai? Pourquoi elle a fait comme ça? Donc, Dieu, derrière chaque but, cherche quelque chose. Le problème maintenant, c'est qu'on ne comprend pas ça. Enfin, c'est les prédicateurs qui ont mélangé ces choses-là. Ne comprennent pas ces choses. Je suis stérile aujourd'hui. Bon, Seigneur, comme Sarah. Toi, tu as 35 ans. Sarah avait 90. Comme Sarah. Il te laisse encore. Tu as 50. Tu dis, Seigneur, comme Sarah. Mais il a déjà avancé comme Sarah. Et tu as peur maintenant. Là. Quand ça ne va pas maintenant, ça ne va pas. On quitte maintenant, on change d'église. On dit que chez le pasteur, ça ne marche pas. Il n'est pas puissant. On commence à croire, c'est là que vous comprenez effectivement que c'est, en réalité la personne ne croyait pas. Parce que la personne croyait, elle savait que ce n'est pas le pasteur qui est le problème. Que c'est une histoire de Dieu et de cette personne, pas vrai? Comme Sarah, Seigneur, tu vas me donner l'enfant. Sarah avait 90 ans. Et on chante ça en oubliant que c'est à 90 ans. Mais tu as 40 ans seulement. Deux témoins, il reste encore combien? 50 ans. Pour que ça soit exactement comme Sarah. Vous dites, Seigneur, oh! Cet homme-là de la poudre de Bessada, il était malade. Vous savez combien de temps il était malade? 38 ans. Hein? 38 ans. Combien? Ça fait 2 ans qu'il est sous le pied. Il te manque combien? 36 ans. Alors la question, on ne peut pas prier comme ça. On devait plutôt prier que le Dieu qui a fait ces choses. Je crois que tu es vivant pour le faire encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a pour mon cas? Pour mon cas, c'est comment? Vous dites, comme Sarah, si on veut appliquer pour le cas de Sarah, attends donc 5, 90 ans. Quand tu penses avant ton âge que tu as la maison, tu ajoutes l'âge qu'il faut pour arriver à 90 ans. Et là, à partir de ce moment-là, tu vas commencer à voir comment à 50 ans, on dit que Dieu existe, tu dis non, il n'existe pas. Pourtant, tu avais dit comme Sarah. C'est seulement bon dans la Bible de l'histoire pour qu'on dise, là, on lui a donné la promesse à accomplir pendant 25 ans. Tu finis de dire comme ça, peut-être que je veux mon miracle aujourd'hui. Exercer la foi n'est pas du domaine humain. Exercer la foi n'est pas du domaine humain. L'exercice de la foi, en réalité, c'est poussé par le Saint-Esprit. L'exercice de la foi, c'est en réalité être poussé par le Saint-Esprit. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Cette femme de Luc chapitre 8 l'a dit, s'il ne parvient, il parvient seulement à toucher le bord de son vêtement. Qui lui a dit qu'en faisant ça, ça va marcher? Voilà, n'est-ce pas? Ma fille, ta foi t'a sauvé. Comment ça, ta foi t'a sauvé? Qui lui a donné ça? Seigneur, c'est pour ça que je n'aime pas. Je dis que tu viens chez moi parce que chez moi, j'ai aussi un homme d'autorité. Quand il dit que l'un va, l'un vient. Même en Israël, il n'a pas trouvé une telle foi. Comme il n'a pas trouvé une telle foi, qu'est-ce type de foi? Qu'est-ce que la foi est une femme assurée de une des choses qu'on souhaite. Il dit qu'il n'a pas trouvé ça en Israël. Le style de foi-ci. C'est quel style de foi ici? Je vous dis, allez méditer dans la Bible. Allez lire ce que Jésus est en train de dire. Allez lire ce qui s'est passé. Lisez ce que Jésus est en train de dire. C'est style de foi. Même cette parole de foi, je n'ai pas trouvé ça en Israël. Je n'ai pas trouvé ça en Israël. Le style de foi, si. Je n'ai pas trouvé ça en Israël. Vous entendez ça, frère? Quel genre de foi? Moi, il dit à quelqu'un que il va. Non. C'est pour ça que je ne suis pas trouvé digne que tu viens chez moi. Dis seulement un seul mot et cela. Qui lui a dit ça, frère? Que s'il dit seulement quelque chose, là, pendant qu'il est à la maison, ça va s'accomplir là-bas. Même en Israël, il n'a pas vu cette foi. Seigneur. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais le Seigneur écrit derrière nous. Je n'ai été envoyé qu'au brevet perdu de la maison d'Israël. Il n'est pas bon de prendre le pain des chiens et des enfants et de nos chiens. Mais Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Ta foi est là. Va, Seigneur. Les chiens mangent. Qui lui a donné cette parole-là à cet instant? Pour que ce soit une parole de foi. Qu'y a-t-il de foi dans cette parole? Qu'est-ce que tu appelles donc foi dans cette parole? Oui, mais c'est vrai que s'il y a le chien à la maison, tu manges, ça tombe en bas, le chien ramasse ce qu'il y a là-bas. Mais qu'est-ce qui est tombé de ce qu'on a donné manger? Qu'est-ce qui est tombé? Qu'est-ce qu'Israël a laissé tomber pour qu'il puisse manger cela? Et pour qu'il quitte le cadre de sa mission qu'il a été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël, sous réserve que vous avez compris cela, on en a parlé. Pour qu'elle puisse se ramasser et manger. Comment elle sait que c'est tombé de la table? Comment elle a fait pour ramasser cela? Ah, la foi. Exercer la foi. Donc, exercer la foi, en réalité, c'est pousser par le Saint-Esprit. Vous comprenez ça, frère? Ok. Quand on est poussé par le Saint-Esprit, on ne va pas comme ça. On a même été poussé. C'est pas ça, pousser par le Saint-Esprit. Souvenez-vous de Siméon, de Luc chapitre 2. On dit qu'il est conduit par le Saint-Esprit, il vient au temple. À l'heure, on a présenté l'enfant. Il entre comme ça, il passe. Quelque chose s'est passé. Une fois de plus encore, quelque chose s'est passé. Il vient comme ça. Il y a les enfants là-bas, il prend, il dit celui-ci. Il reçoit l'enfant. Il dit, Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, il dit que toi, femme là, il ne peut pas traverser ton âme afin que les pensées soient dévoilées. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'est passé. Donc, tous ceux donc qui se laissent gouverner par le Saint-Esprit, tous ceux donc qui se laissent gouverner par le Saint-Esprit, vivront de vie en vie dans la foi. Tous ceux donc qui se laissent gouverner par le Saint-Esprit, vivront de vie en vie par la foi. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est pour cela que vous n'allez pas voir quelqu'un qui... Cet homme des paralytiques de Actes chapitre 3, les apôtres ne sont pas allés rester quelque part en disant que nous prions pour tous les paralytiques, nous prions pour ceci. Si nous marchons, Seigneur Dieu de gloire, donne à ce qu'on fait cette chose aux paralytiques. À l'instant où il s'est trouvé là-bas, comme il est dans l'esprit et que l'esprit est en lui, si l'esprit veut faire quelque chose maintenant, il peut faire ça au travers de lui. L'apôtre Pierre, avec cet instant-là, n'a pas commencé à voir n'importe qui maintenant que ce que j'ai été donné, reçois ta guérison. Ce que j'ai été donné, reçois ta part. Ce que j'ai été donné, reçois ta part. Vous avez vu, n'est-ce pas? alors il faut qu'on admette que Dieu peut venir à un moment donné. Il reçoit et donne quelque chose à quelqu'un. Va sans faire pour autant pour toi. Pourtant, tu as les mêmes besoins. Et qu'on lui dise, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants du fait que tu as visité mon frère, du fait que tu as visité ma soeur en étant sincère dans l'amour. Pas en étant jaloux. Comme cet homme-là, cette femme que le Seigneur Jésus a dit, a commencé à guérir, Il dit qu'on dit qu'il y a 6 jours dans la semaine. Mais vous faites guérir ces jours-là. Donc, là, quelqu'un est guéri là, délivré de ses infirmités. On dit que non, il fallait qu'on guérisse au 6e jour. Qu'est-ce qu'il y a qui venait guérir ces gens-ci? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de ces personnes, frère? Est-ce qu'il y a la compassion? Donc, souvenez-vous de ceci. Il faut que nous admettons que Dieu puisse venir au milieu de l'assemblée maintenant, faire une grâce à quelqu'un. Alors que tu penses dans ton cœur que tu mérites une grâce plus particulière, que tu as plus besoin, et qu'il le fasse pour quelqu'un d'autre. Et qu'il te sente faire grâce à toi par rapport à tes désirs. Et que, regardant l'autre frère ou bien l'autre soeur que le Seigneur a visité, nous disons, Seigneur, nous te rendons grâce pour tes refaits dans la vie de telle soeur, dans la vie de tel frère. Nous pouvons le faire. En fait, nous avons besoin de le faire parce qu'il faut qu'on le connaisse. Il faut qu'on connaisse ses façons d'agir. Souvenez-vous de cet homme-là, lui, passant au milieu des gens, alors que les gens sont là. La Bible déclare dans Jean chapitre 5 que des malades étaient là-bas en multitude, en grand nombre. Il part trouver quelqu'un là-bas, il le guérit. Il passe encore au milieu de la foule, il part. Entre temps, chacun de vous lâche sauter pour entrer dans l'eau. C'est ça, frère? Chacun de vous là sauter pour entrer dans l'eau. Ils exercent leur foi là-bas. Qu'est-ce que Dieu fait? C'est pour ceux qui veulent rester du domaine de la chair, il leur donne les possibilités d'étendre leurs mains de la chair pour pouvoir toucher ce qu'ils veulent toucher. Mais pour ceux qui sont dans l'esprit, il les conduit selon sa volonté, comme il le veut, quand il le veut, il les utilise comme il veut. Exercer la foi, c'est s'il est guidé par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. En fait, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit vivent la vie de foi automatiquement, instantanément, à tout moment. Et souvenez-vous, la vie de foi n'est pas tout juste, écoutez très attentivement, la vie de foi n'est pas tout juste l'exercice de ces miracles-là. Je peux prendre tous les événements de la Bible, je vous montre comment c'est la vie de foi. La vie de foi, c'est compter sur Dieu, heure après heure, jour après jour, pour chacune des choses, même pour la respiration. Ce n'est pas seulement attendre un miracle, attendre une guérison, attendre une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas ça. Parce qu'on croit peut-être que si je suis malade, je ne crois pas à la foi que je suis guéri. Non. Avant que tu ne t'en sers, tu es quitté de la maison pour ici. Ce n'est pas la foi. Donc, ce n'est pas à l'homme de... Lorsqu'il marche à guider, ce n'est pas. Ce n'est pas la foi qu'on marche. D'accord? Finalement, vous comprenez effectivement que la foi, c'est le Seigneur Jésus. Il est notre chemin. Il est notre chemin. Vous comprenez effectivement que la foi, c'est lui. Pas que la foi conduit à lui. Souvenez bien, mesure bien le mot. La foi, c'est lui. Le consommateur. Maintenant, que dites-vous de nom de ceci? C'est lui qui produit en nous l'eau. Pourquoi? Le verset dit quoi? Pourquoi? Ah, le même verset, là, ça finit. C'est pas fini. Selon son nom. Ok. Donc vouloir, plaisir, ainsi de suite. Donc ok. C'est-à-dire quoi? Il produit en nous le vouloir et le faire. Pourquoi? Ça veut dire que personne n'a une question à poser pourquoi il produit. Ou bien pourquoi il ne produit? Personne ne pose la question. En fait, si tu poses la question, et alors la réponse, on voit. Dieu opérant toutes choses. D'accord, frère? Alors. Comment exercer par la foi? Vous avez la réponse. Il faut que le Saint-Esprit nous conduise. Comment tu vas savoir que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire à cet instant-ci? Il ne parlera pas que frère Michel en temps. Ah, ben voici le frère Michel, tu te souviens? Voici le frère Michel en chair et en os. Frère Michel, bonjour, comment tu vas? Non, brother, ça va bien. J'ai vu la voiture là-bas en route. Je crois qu'il faut vendre ça à la casse. Non. Je suis en train de compter. Compte que le mécanicien vient là, il va essayer d'arranger ça. Le frère Michel croyait que j'étais en train de lui donner les renseignements. Vous voyez? Il croyait que c'était des renseignements. Donc maintenant, avant que la voiture devienne, quand il est venu, quand on était à l'opomo, je lui ai dit que frère Michel, on s'est allé au niveau des portes. Il dit que voici, tu vas servir la voiture. Frère Michel est calé debout comme ça. Mais c'est la même voix. Ok, peut-être elle a dû entendre une autre voix, vous savez. Frère Michel, quand tu avais entendu la voix, c'est la même voix avec laquelle je te parlais quand nous étions. Mais tu savais que c'est quelqu'un d'autre qui parlait. Est-ce que tu savais que c'est quelqu'un d'autre qui parlait? Comment tu savais que c'était quelqu'un qui parlait? Quand tu, pourquoi tu t'es calé du bout comme ça? Non, j'étais trop fier de l'entendre. C'était une joie. Frère Michel, tu es où? Après, je suis allé à Kribé accompagner les enfants. Frère Michel, tu es où? À Yaoundé. Mais Dieu est à l'œuvre. En réalité, on est conditionné à ce qu'on dit. Ainsi parle le Seigneur. C'est pour ça que faites attention de discerner. De discerner. Qui parle? Si vous savez qui parle, vous pourrez vous bien vous ranger. Si vous savez qui parle, vous pourrez bien vous ranger. Vous ranger. Il y a cette soeur-là qui a les dettes qui est venue à la maison. Elle est sortie du travail, venue à la maison pleurant. Elle dit que je suis mort, on va me tuer. Elle dit viens, on va prier. Mais c'est quand même curieux. Lorsque nous nous mettons à genoux, prions, nous, Seigneur, tu as dit que quiconque invoque ton nom sera sauvé. Qu'il n'y a point de détresse, qu'il n'y a point de confusion lorsqu'on t'invoque. On dit, Père, nous t'invoquons. Souvenez-vous de ceci, c'est ça qui fait que quand on se réunit pour prier, et c'est parce que les gens comprennent ces principes. On se met à genoux, on prie. Au nom de, souvenez-vous, quand les gens qui viennent chez moi, ils savent que c'est dans la chambre qu'on prie, au chevet de mon lit, en bas là, on met les genoux par terre là. On prie. Il dit, ma soeur, reste ici. Suivant, on va voir sa volonté maintenant. Tu es d'accord? Oui. Père, guide-nous maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais si tu peux croire que le Seigneur va agir, oui. Elle a deux jours pour que les... Vous savez, dans la Bible, on dit, cette femme-là est venue voir et disait que le créancier va m'arrêter. Deux jours pour que le créancier vienne l'arrêter. Deux jours. Elle connaît qu'elle est mal barrée. Mais c'est voici la solution. Rentre demander pardon à ton mari. Dis-lui que désormais, quand Dieu va résoudre ce problème-ci, là, parce qu'il va résoudre, quand il va résoudre ce problème-ci, je ne prendrai aucun engagement concernant les finances sans plus de recevoir de toi comme autorité. Je reconnais que tu es l'autorité, que tu dois gérer tout chose et tu as le dernier mot. Pas la solution. C'est tout ça, frère Junior. On aurait souhaité qu'il dise, Père, au nom de Jésus, je brise l'esprit de celui qui va venir l'attaquer là dans la menace ici. J'aveugle ses yeux. Qu'il oublie qu'il va aller porter plainte. Qu'il oublie qu'il va venir demain. C'est pas comme ça. Puisque nous avons prié que Dieu donne la solution. Vous savez, la solution là. Si tu rentres à la maison, tu dis, chérie, je te demande pardon. Parce que j'ai pris des initiatives qui ne tombent qu'en prenant la place du chef. C'est tellement réglé comme ça là. Frère, je n'arrive pas à dormir. Va dors en paix. Parce que le Seigneur contrôle les circonstances qui sont devant. Mais fais cela avec ton mari. Vous savez, quand on fait comme ça, la personne bouge la tête, on se dit, Mais comme il n'y a pas la chaleur, la chair de poule qui s'est passée, l'ampoule qui a fait bouvement de ses tempes, comme ça, c'est avant que Dieu est là. Mais pourtant, on vient de prier que Seigneur, donne-nous la direction. Mais je ne comprends pas cela. Donne-nous la direction. Il doit donner la direction. Donne-nous la direction. Il doit donner. Alors le lendemain, elle va au travail. Subitement, elle est dans le bureau de penser comme ça. Là. Un commissaire de police entre. Il rend service. Mais je te vois un peu. Ta mine. Vous savez, quand le roi pose la question à Néhémie, ta mine. Ce n'est pas souvent comme ça. Il dit, quel est le problème? C'est que j'ai le problème avec un créancier là, il va me porter plainte et ça va perdre mon travail. Demande son numéro, viens l'appeler, il n'a plus fait cela. Qui a mis le commissaire de police là-bas? Qui a fait ça, frère? Après le commissaire l'appelle. Ah, vous savez, après il m'appelle, frère Junior, Dieu est merveilleux, c'est quoi? Un commissaire de police est venu, il lui pose le problème, il a dit que non, il laisse l'affaire, il va gérer cela. Après, subitement, le créancier l'appelle, il dit que non, désormais tu peux payer quand tu auras. Il dit, qui a fait ça? Suis-je allé dans la bouche de celui-là, tout pousser le commissaire de police de venir à cet instant-là? Deuxième jour après, après l'appel, on va dire, frère Junior, tu entends, c'est le sourire, mais dans ça contraste avec les gens de croyance qu'on avait sur place. Frère Junior, il dit, c'est quoi? L'autre créancier a dit qu'il laisse comme ça, il ne paye pas la dette là. Qui lui a dit qu'il te fasse laisser la dette? Dieu, il faut qu'on fasse attention. Homme de Dieu, ton serviteur craignait Dieu. Il dit, ton serviteur, mon mari craignait Dieu. Il avait la dette et puis maintenant le créancier veut prendre le mari. Qu'est-ce que cherche la direction? Comment ça en sortir? Qu'as-tu dans la maison? Je n'ai que le reste d'huile. Ok. Va au dehors, demande les gourdes, les vases en grand nombre et n'en demande pas en petit nombre. Est-ce qu'il a dit qu'il demande 100? Il a dit 200, 1000. Il dit n'en demande pas en petit nombre. Donc le nombre, c'est elle qui fixe. Tu décides de demander à tout doigt là. C'est que ton miracle, tu as limité à tout doigt là. Il est parti, demander. On lui a dit, deuxième instruction. Souvenez-vous, je vais encore vous prêcher sur écouter l'instruction de l'esprit. savoir écouter l'instruction de l'esprit. Parce que beaucoup de personnes ont des problèmes à cause de l'instruction de l'esprit. Alors elle est allée demander. L'autre instruction disait que entre toi et ton enfant, ferme la porte sur vous. Il fallait qu'elle ferme la porte sur elle. On a demandé la goutte, on ne dit pas combien de vases il a demandé. Elle a dit que donne, elle met. Comment quelqu'un, je ne sais pas si vous pouvez saisir ça, elle a une petite quantité d'huile. Elle verse dans l'huile. Une petite quantité ici. Elle verse dans le vase. C'est plein. Quand elle pleure, quand c'est plein, on met le côté, on dit que donne. Elle donne. Jusqu'à ce qu'un temps, elle attendait encore la main à ses enfants que donne. L'enfant dit qu'il n'y a plus de vase. On dit que, et l'huile s'arrêta. Donc, c'est le nombre de bidons qui n'était plus, qui a limité l'huile. Elle est venue demander la direction. Elle vient chez l'homme de Dieu, dit, voici l'homme de Dieu, il fait ce que tu avais dit, il y a l'huile. L'être humain normal doit se poser la question que d'où vient cette huile-là? Comment un petit huile que j'ai à la maison? Personne n'a prié sur ça. On a seulement dit, je suis en verser ça, c'est plein. Même en versant le premier couvercle, ça entre. Il ne faut qu'entrer. Alors qu'il y a un petit ici, c'est un problème déjà pour un être humain. Alléluia. Nous parlons de la foi, la foi, c'est que quelque chose doit se passer. Alors il a dit que va, vends cela, donne le créateur et le reste, vit avec. Nous parlons de l'huile d'olive là. Le petit 1 litre, c'est 7000 francs CFA à notre époque. Elle a des quantités à la maison. Donc, subitement, elle devient maintenant la fondatrice des huiles. L'huile finit partout. Vous venez chez elle, finit. La direction du Seigneur. Tu ne peux pas contrôler les circonstances en tant que Dieu. Parce que c'est lui ce qui doit contrôler. Alors, si nous invoquons son nom, je peux vous donner tas de témoignages comme ça. Tas de témoignages. Beaucoup de personnes viennent comme ça. On lui donne les instructions, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas. Parce qu'ils auraient souhaité que quand ils viennent, que frère Junior, j'ai tel problème avec personne. Je dis, je brise ces problèmes au nom de Jésus. Fais la main comme ça, comprends que je brise à haute voix. Pour qu'ils comprennent que le problème est brisé. On est conditionné comme ça. On est conditionné comme ça. Parce qu'on est déjà allé chez les pasteurs, on prie toujours dans nos oreilles jusqu'à ce qu'on entende que les prières fort. C'est-à-dire que si on ne prie pas fort, on ne sait qu'on n'a pas prié. Les gens ne savent pas que tu peux partir comme ça. Bonjour. D'autres viennent encore, ils s'assoient à côté de moi. Ils disent, frère, j'ai eu tes problèmes. J'ai fait comme s'il n'avait pas compris. Je sens de suivre. On en a parlé d'autres choses. Mais pourtant, depuis, alors qu'il a parlé des problèmes, je sens de le prier. Mais il entend qu'il dit que, Seigneur, quel est son problème? Seigneur, quel est son problème? Il dit quoi? C'est en disant avec la bouche si qu'on entend chez Dieu. Il attend que, ou bien quand quelqu'un vient à la maison, il s'attend à ce que quand il dit comme ça, que frère, je suis venu comme ça pour tes problèmes. Ouais, quand quelqu'un vient comme ça, il fait la tête comme ça pour que tu comprennes que son problème est trop dur. Quand quelqu'un fait comme ça, il met tout le monde pour le regarder parce que c'est pas. Jésus n'a pas dit que déchargez-vous sur Junior de tous vos soucis. C'est sur lui que vous devez vous décharger. Alors quand tu t'assois là-bas, je suis en train de faire autre chose et je fais tout et tout pour faire autre chose. Tout et tout pour faire autre chose. Tout et tout pour faire autre chose. Et c'est pour ça que vous voyez que rien vient, je fais tes choses. Il croit que Junior est en train de faire autre chose. Je suis en plein là-dedans. En plein dedans. D'autres viennent comme ça, c'est ça, il a causé, par exemple, si on a fait autre chose, il arrête la conversation. Il ne sait pas quand il arrête la conversation, il me déconcentre. Il arrête moi aussi, il arrête ce que j'en ai fait. Il parle. Il commence à parler, je continue pas ici. Il dit que non, je veux que tu sois concentré. Alors, il ne comprend pas. C'est ma femme qui connaît bien ceci. Quand tu en as parlé avec moi, je reste tranquille comme ça, c'est le plus grand danger, il ne t'écoute même pas du tout. Quand tu en as parlé, il te fixe comme ça, il ne te regarde pas. Quand il te regarde comme ça, il reste tranquille avec toi. Ma femme connaît quand elle commence, je suis en train de faire comme ça. Il fait comme ça un temps. Après, il dit que viens. J'étais à Yaoundé, je suivais quelque chose à Yaoundé. À Yaoundé, je suivais comme ça là. Donc, tu parles là. Donc, c'est mieux que je fasse autre chose le temps d'être surveillé. Ils viennent, ils ne savent pas. Après, tu te tournes, tu dis que la chose, c'est telle chose. Il dit facile comme ça. Il voulait que ça soit compliqué. Que tu dis que lave-toi dans l'eau. Tu fais 7 fois, après, tu fais le mouvement 7 fois. Pourquoi tu saches que c'est comme ça? Donne-moi le CD. Il y a un CD que je vais mettre dans la nuit. Il meurt que ça suit, que ça prie fort. Vous savez, lorsque j'avais prêché à Radio Bonne Nouvelle sur Blessed Afternoon, il y a le frère Émile, le colonel qui était avec nous. Un monsieur appelle à la radio, il dit, pasteur, j'ai un problème. Il dit que c'est quoi? Il dit que j'ai des problèmes dans ma maison, je ne sais pas comment faire. Il s'attendait à ce qu'il dit, viens. Pendant qu'il disait comme ça, j'ai prié à la maison, il demande au Seigneur, est-ce qu'il peut me déplacer? Il dit, déplace-toi. Il dit, j'arrive. On a appelé le frère Émile, comme le frère Émile est grand de taille, je suis allé avec le frère Émile dans la voiture militaire. On a roulé, il est à Boya. On est allé à Boya, il savait exprès. Vous savez comme il est court, frère Emile, grand détail. On est venu dans la voiture, avec la femme de frère Emile, il y a moi de ce côté-ci. On arrive, je suis petit comme ça. Le monsieur voit. Quand il voit le frère Emile, directement s'assoit, je n'ai pas passé. C'est que s'il parle avec ma voix, il va savoir que c'est lui qui parle à la radio. Il reste tranquille. Il guette le frère Emile, Dans sa tête, il ne sait pas qui est le pasteur. Comme le frère Emile avait sa grosse Bible, il dit que frère. Quand il a dit frère, regarde le frère Emile dit que c'est pas moi, c'est lui là-bas. Vous savez, on a déjà les pensées des pasteurs ici. Des pasteurs, que le pasteur doit être grand de taille, bien colosse ici. On s'est assis dans sa maison. Ah, vous entendez le Saint-Esprit. On s'est assis dans sa maison. Il venait de rentrer dans leur église avec un de ses apôtres. Il était assis là. On est assis dans son salon. Il dit qu'il est surpris d'abord du fait qu'on soit venu. On s'assoit là-bas. On a de causer. Il dit, causons. Il dit, quel est le problème? Il s'en est parlé. Il ne savait pas que je connaissais exactement quelle était la situation de la maison. Il dit qu'ils ont fait des nuits de prière à la maison fatiguée. C'est à son atelier, que comment il a eu un bon poste de travail. Il s'est dit que c'est à sa maison. Quand il dormait, lui, il avait la chaleur, il pouvait rester comme ça. Il a la chaleur, un peu comme on a mis sur une flamme. Il y a une flamme en bas, ça allait le chauffer tout son corps. On s'est assis là. Il y a des choses que Dieu fait que c'est inouï. Il dit bien inouï. Si c'est pour réfléchir, vous allez réfléchir 400 millions de fois, vous ne passerez pas à côté de ces choses-là. Vous ne passerez pas à côté. On s'est tenu là. J'ai dit, le problème n'est pas dans ton bureau. Ce n'est ni parce que tu as une maison, ni parce que tu as eu un travail. Ses yeux sont d'abord sortis comme ça, vos apôtres sont sortis comme ça, c'est sorti comme ça. Vous savez, quand dans les films, les yeux de certains sortent d'abord, ça va devant avant de rentrer encore comme ça. Là. Il dit, c'est quoi? Il dit, dans les années, il avait donné, en 1900 quelque chose, dans les années 1918-1916. Parce que le terrain lui a été donné, il a construit la maison là-bas. Donc, au terrain, au travail, on lui a, vous savez, les avantages des services. On lui a donné le terrain comme ça, parce qu'il a eu le travail, on lui a donné le terrain, il a construit sa maison, il a construit sa maison. Il dit, depuis qu'il a construit cette maison-ci, il dort, c'est moi qui souffre ici à la maison. Tu dors au lit, tu te retrouves au sol. Il dit, c'est quoi le problème? On a fait les nuits de prière jeûner ici. Ces choses sont bonnes, mais le plus grave que les chrétiens manquent, c'est dans chaque situation, ils manquent de trouver quelle est la réalité. C'est que Dieu, c'est qui est la cause. Quand on trouve la cause de quelque chose, vous pouvez faire ce qu'il en est. Alors le jeûne et prier ne servira à rien. Il s'est tenu là. Il lui a dit qu'en 1916, lorsqu'il y avait la guerre déclenchée, un démon est sorti du ciel. Là où il a chuté, c'est sur ce terrain. Il a pris possession de ce terrain où tu te trouves. Les yeux sont ouverts comme ça là. Même si mes yeux s'étaient ouverts. Quand c'est sorti là, c'était sorti comme ça. Les yeux sont sortis comme ça. L'apôtre qui était là-bas avala la salive trois fois, il regardait comme ça là. Que j'imagine que. Quand tu avales la salive, tu vois ici, non? Tu vois comment le cou monte avant de descendre. Comment le frère se me persécute comme ça. Alors, il me regarde comme ça, il regarde. Ma femme me regarde pour voir si je suis sérieux de ce que ça me dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le démon ne dérangera pas quelqu'un tant que tu n'es pas dans le camp de Dieu. Tu ressens ça justement parce que tu es en Christ. C'est pour ça que ton esprit, son esprit, avec lui, ça ne collabore pas. Les autres peuvent dormir comme ça. Ils dorment là-bas, ils travaillent sur lui, il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire, frère Junior? Il n'y a pas grand-chose à faire. Prends la main de ta femme, arrête la main de ta femme, sors, lui. Parcours le terrain, comme Abraham a parcouru, jusqu'à ce que tu fais. Il vous a raconté ça, hein? Il ne vous a pas raconté. Elle t'avait raconté. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle en a dit, Yéline et son mari? Ils ont dit quoi par rapport à ça? Ils voulaient dire quelle était leur espérance. Qu'elles ont vu ça, ils ont dit quoi donc? Comment ça s'est passé là-bas? Prends la main de ton épouse. Parcours la maison. En disant, désormais, cette maison nous appartient au nom de Jésus. Parcours tout simplement. Fais le tour. Après, fais le tour. Après, elle fait le tour. Venez s'asseoir au salon. Il dit que ça va maintenant, nous pouvons rentrer ce doigt-là. Il dit, c'est tout. C'est tout. Il fallait d'abord savoir qu'il fallait faire ça. C'est exactement ce que Naaman, le Syrien, a fait. J'ai parcouru tout Damas pour venir me plonger seulement dans l'eau. Il n'y avait-il pas l'eau à Damas? Ok. Il n'y avait-il pas le prédicateur pour venir seulement de faire le tour? Il fallait d'abord savoir qu'il fallait faire les tours. Après une semaine, on rentrait. Il dit, frère, comment tu vois? Il dit, frère, il ne ressent plus la chaleur dans la maison. Qu'est-ce qui a chassé cette chaleur? Qu'est-ce qui a fait? Comment tu vois? Non, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a parlé. Quel est le vrai problème? Il a donné clairement comment faire pour résoudre le problème. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? La direction du Seigneur. Quand il parle. Mais l'homme cherche toujours des choses compliquées. C'est ça que vous voyez, les gens aiment les marabouts. Parce que quand tu passes chez les marabouts, on dit tu mets ça sous le lit, l'autre, tu enterres à la maison. Quand il y a beaucoup de choses, vous allez savoir que non, c'est sûr que c'est sûr. Mais on ne veut pas la parole. Mais regardez cet homme-ci. Dis seulement un mot. Ne viens pas dans ma maison. C'est pour ça que je ne suis pas tenu que tu viens parce qu'il y a les autorités. Il dit les choses. Ça se passe. Il dit les choses. Toi, dis seulement un mot. Waouh. La foi. Dis seulement un mot. Et cette soeur, la femme du colonel, elle-même, elle a fait une prière. C'est pour ça que ça m'étonne seulement. Quand elle était à l'opon, Il dit que s'il dit que je travaille, que je dis que je travaille, que moi-même je prie, je ne me souviens pas quand, quel était son langage. Un de ces jeunes priait pour une fille qui était venue, cette fille qui avait l'esprit des démons. Oh, la fille était là, loin de ce côté-là, elle était assise dans un coin. Je suis allé vers elle, elle me tenait là, vers elle. J'ai tiré, tiré, la fille est venue, c'était une fille qui se manifestait, elle est venue vers elle. Il dit, tu as dit, tu veux travailler, non? Travaille, prie maintenant. Elle est étonnée du fait qu'elle ait prié à la maison en disant que si celui-ci, je me dis que j'ai prié, c'est que je suis un serviteur. Donc c'est cette base qu'on doit jauger les serviteurs de Dieu que s'il vient à l'assemblée, il dit que j'ai prié pour quelqu'un, c'est qu'il est un vrai serviteur. Ok, maintenant. Ah, que j'ai prié, on fait là maintenant, de toute façon. Donc, suivez attentivement ceci. La vie des foi, c'est la vie de l'esprit. La vie des foi, c'est la vie de l'esprit. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne résout pas ton problème qu'il ne te connaît pas ou qu'il ne connaît pas la situation. Le vrai problème, c'est que quelle est sa parole là derrière, quel est son but derrière cette situation. C'est la grande question qu'il faut répondre dans chaque situation. Vous suivez, vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez, mes frères et sœurs. Comment après, je ne prie pas pour qu'on donne le visage, il faut qu'on prie pour qu'on donne le visage, il faut qu'on prie pour qu'on voie, prie pour le voyage. Il ne fait pas de telles choses comme ça. Ce n'est pas l'ordonnance du Saint-Esprit. D'accord? Quand il veut faire, il le fait de façon librement. Je vous ai raconté l'histoire de ces garçons qui étaient venus. C'est un de mes amis. Et Dieu ne fait pas surtout pour que les gens viennent en Christ. Non, ce n'est pas comme ça là. Parce que les gens disent que non, comme tu as juste un visage, non, viens en Christ. C'est pas, on ne vient pas à Christ en pied. On ne vient pas à Christ à pied. On ne vient pas comme ça. Il est venu me voir. Je suis en train de lire la Bible, il regarde comme ça, il dit que je vais déposer mon visa. Vous savez, pour aller à Londres, en Angleterre, l'ambassade, c'est de quoi? C'est au Ghana. Je ne sais pas si on a changé. Alors, il vient me voir, il dit que je vais voyager, pardon, prie pour moi. Prie pour moi. Il y a ce qu'on appelle le bavardage. Donc, on peut bavarder pour vous satisfaire. Mais si vous aimez Dieu, que vous dites que quelqu'un prie, il ne veut pas prier, sachez que le fait qu'il ne veut pas prier, il a prié. Parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut en cet instant-là. Il dit, prie pour moi. Et que Dieu ne veut pas que je prie. S'il prend cette position-là, alors ça veut dire que Dieu est au contrôle par rapport à cette situation-là. Vous comprenez? Mais les gens ont cette maladie qu'il faut que je mette la main. Tu pries que, oh Dieu, vois comment elle a fait. Un jour, il m'a donné l'argent. Tu parles. Et ça change quoi? Il est venu se tenir là. Il a dit que, on va voyager. J'ai mis la main sur le dossier. Vam. Il dit, approuvé. Il dit que c'est approuvé. Tu vas voyager. Ok, dis donc comme ça, tu peux tromper l'ambassadeur, tu peux dire à l'ambassadeur de mettre le visa, de dire approuvé, qu'il voyage. Alors il est allé, il l'a déposé, je ne sais pas combien de mois ça a fait. Un jour, il rentre de Yaoundé, on l'a appelé à Yaoundé, il est venu prendre, il a pris son dossier, il m'a envoyé un SMS, j'ai lu le SMS, il dit que je vois qu'il veut passer toute ma vie au Cameroun. J'ai dit c'est quoi? Il dit que ça a été désapprouvé. Il dit que dès que je descends le bus, viens à la maison. Il dit ça, il vient, on s'assoit à la même position. Je regarde le dossier, je vois toujours approuvé. Frère, vous devez voir quelque chose. Je regarde le dossier, je vois approuvé, mais quand il regarde comme ça, je vois désapprouvé. Ça veut dire qu'il y a deux là. Dans l'autre, de l'autre côté, bon, vous comprenez ce que vous voulez. Je regarde ici, je vois approuvé, je regarde ici, un cachot dit rejeté. Comment vous pouvez faire que rejeté devienne approuvé? Mais voilà devant lui. Pendant qu'il a des balles, on est sondé l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Je ne dis pas, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, un des jeunes des saints. Oh, j'efface avec le bureau, efface, et puis tu efface, il voyage, on voit. Il faut que Dieu donne quelle est la solution. Alors, cette tenue-là, la solution est venue. Il dit, tu as vu le papier, c'est sur lequel on a été rejeté. Il dit, oui. Retire ces papiers et renvoie, reconstitue le dossier, renvoie. Vous savez, chaque fois que cette solution-là sort, c'est toujours bizarre. Retire ces papiers, reconstitue le dossier, le même dossier, renvoie là-bas à l'ambassade. Retire ce dossier. Le papier, on a écrit que rejeté. Que voici pourquoi nous avons rejeté. Retire cela. Reconstitue le papier, le dossier et renvoie. Il reste debout, il me regarde comme ça longtemps. Vous savez, chaque fois qu'il voit ces choses, il voit toujours la Bible. C'est un peu comme c'est Naaman, justement, regarder Élisée comme ça. Il dit que, quoi, son serviteur dit que, mais. Tu sais, il croit qu'il devait sortir. Vous voyez ce que tu avais dit, non? Il croit qu'il devait sortir, agiter sa main à gauche, agiter à droite. Et la lèpre disparaît. Si tu connais comme ça, donne à quelqu'un de qui ajoute alors on voit que ça quitte. Il m'a regardé comme ça. Il dit que s'il n'a pas encore fait ça, ça va encore être 120 000 qu'il veut perdre comme ça. Vous savez, c'est sorti ainsi. Soit tu choisis, tu manges les 120 000, tu passes la vie ici au Cameroun, ou tu donnes les 120 000, tu voyages. Il m'a regardé encore 2 minutes. Il dit que j'envoie. Il a fait la prochaine fois encore qu'il rentre à Yaoundé, il envoie un SMS. J'ai eu le visa. Je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'adviendrait-il s'il ne le faisait pas? Venetie. Il est presque 10 ans maintenant là-bas. Quand tu venais, tes instructions. Donc, vivre la vie des fois, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de l'esprit. C'est marcher conduit par le Saint-Esprit. Et nous le faisons chaque jour. Que vous voulez ou pas, vous le manifestez chaque jour. Vous manifestez la foi sans vous en rendre compte. Le vrai problème, le vrai quoi, c'est vient au niveau des... Là où vous voulez voir les grands miracles, vous ne pouvez même pas manifester la foi. Parce que là, on veut fabriquer notre croyance. On veut essayer de croire. Que je crois. Si même si on fait n'importe comment avec Dieu là, je ne peux pas. Jésus, c'est jusqu'à la gare. Attends, il n'y a pas une épreuve qui va te montrer si c'est jusqu'à la gare ou pas. C'est l'épreuve qui va te dire si oui ou non tu vas arriver jusqu'à la gare. C'est cette épreuve là qui va te dire si oui ou non tu as la foi. Amen. Donc maintenant, il peut commencer la prédication de la soirée, n'est-ce pas?